catch a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! Touchdown! He did it! He did it! Here's a shot! Henderson made a wild stab for spell. Here's another shot! Right by the shore! Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Comme à chaque semaine, on vous parle de sport de partout à travers la planète. À mes côtés ce matin dans le coin rouge, M. Pierre-Luc Giroux, ça va bien? Ça va très bien toi? Ça va très bien. Écoute. De lendemain de difficile défaite des Patriotes contre McGill, on va en parler tantôt, mais ça a scrappé ma soirée. Je sais pas pour toi Phil qui était aussi au match. Ça a surtout scrappé ma voix à force de crier. Mais non, en effet, ça a un peu de défait ma soirée. Ouais. Je voulais vraiment voir les Pats battre McGill, mais bon. Malheureusement. Une troisième période. C'est pas une troisième période qui a été. Ça a fait mal à l'espoir d'une victoire chez les Patriotes. Donc, on va en parler cette semaine. On va en parler même après la pause, la pause musicale, devrais-je dire. Ou c'est une émission cette semaine. On va parler des Cataractes. Bien sûr. Des matchs. Ouais, qui ce soir affronteront le plus gros club en ce moment de la Ligue de canadienne de hockey, les Remparts de Québec. Donc, ça risque d'être très excitant au Centre Bien-Est. Le retour de Patrick Roy à Shawinigan, voilà. Là où il a tout le temps beaucoup de plaisir avec les spectateurs. Certainement. On a entendu parler. Ton côté, Phil, tu vas nous parler de l'Impact, j'en déduis. Oui, de bonne déduction. Je vais vous parler de l'Impact. Je vais vous parler aussi des prochains matchs la semaine prochaine dans la Barclay, dans la première chip, et aussi des qualifications de l'Euro qui ont lieu cette semaine. L'Impact qui est en très bonne position pour l'instant pour se rendre en demi-finale. Oui, de l'Impact qui a battu Austin et qui peut accéder aux demi-finales advenant une victoire ou une nulle contre la Caroline la semaine prochaine. Ouais. C'est tout une affaire de buts à l'étranger, des choses ouais, comme ben ça. En fait, c'est des matchs aller-retour, donc c'est au cumulatif des deux matchs. S'il y a égalité, c'est les buts à l'étranger qui prévalent. Puis, c'est ça. D'accord. JP Grenier va être avec nous pour nous parler de football, football canadien, football américain. On va parler baseball aussi avec lui, les séries qui se mettent en branle, la deuxième ronde se met en branle très bientôt ce soir. Si je ne me trompe pas, je vais juste vérifier, je ne suis pas sûr. Et on va avoir Jonathan Bernier qui va nous parler directement de Buffalo, qui va nous parler du match canadien ce soir contre les Sabres et celui de contre le Lightning mercredi dernier. On va peut-être toucher un peu box aussi, si ça donne, tout dépendant. On est tellement polyvalent, mais on a tellement pas de temps pour tout parler de ce qu'on voudrait dire, hein? Malheureusement. Donc, on s'en va en musique. On s'en va écouter Radio avec la chanson Enfant spécial. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou! Spécial, on est des enfants spéciaux. Makimushi, Makimushi, Mushi, un enfant spécial. Je suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Makimushi, Makimushi, toi t'es un enfant spécial. C'est pas notre faute, c'est pas notre faute, c'est même la terre nous a fait. So why no word, c'est ça que je t'invite. Ma, Makimushi, Makimushi, Makimushi, Makimushi, ma qui moi j'suis pour dire tout ça. Ben c'est rien que des histoires. J'encontre rien, t'as contre rien. Pis j'irai danser de noir. Jusque tout ce que vois t'es point vraiment là. Ma échec tu sais parce que j'sais que t'es spécial comme ça. T'es un enfant spécial. J't'aime donc jusqu'à là. C'est pas ma faute, c'est pas ta faute. Ma jalouse vend de l'état. Ma qui moi j'suis pour dire tout ça. C'est vrai. Des gens fous comme des balles. Pis j'avons point jusqu'à la place qu'il faut aller pour trouver back ses souliers. J'ai dit fun ensemble. Fait 3 heures que j'me pointe tous mes pieds. J'suis un enfant spécial. On est des enfants spéciaux. Makimushi, Mushi, un enfant spécial. Mushi, un enfant spécial. On est des enfants spéciaux. Makimushi, toi t'es un enfant spécial. Ouais, j'suis un singe, j'suis un roi, j'suis un coureur de bois. J'suis un capitaine d'un bateau, j'suis Jésus sur la croix. J'suis un homme, j'suis une femme, j'suis un grand-père, pas bébé. J'suis un enfant spécial, c'est ça que ma mère m'a pété. J'suis millions d'affaires qui se promènent pendant des millions d'années. La poussière de lundi m'a rejacalé en sorcelée. J'suis un pauvre, j'suis un riche, j'suis un coucher d'un caniche. J'suis un clean cut, rapper hippie avec une babiche. Non, toi t'es moi j'suis toi, on est deux petits chinois. 100% du temps, on est mille fois plus qu'on croit. Et j'jump une planète à l'autre, toujours après de me moquer. De l'énergie qui déborde, moi j'vais me laisser m'emporter. J'suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Makimushi, j'suis un enfant spécial. J'suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Makimushi, toi t'es un enfant spécial. J'suis un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Makimushi, Mushi, un enfant spécial. Mushi, un enfant spécial, on est des enfants spéciaux. Makimushi, toi t'es un enfant spécial. Vous à l'œil toi, hein? La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, et je vous suspends toi, toi. Écoutez l'hymne national! L'œil conduit de partie. Radio Radio avec la chanson Enfant spécial qui réveille un matin, il me semble, un bon petit rap. C'est toi l'expert du rap, là, Phil, là, mais. Ah, d'un rap avec un R. J'avais un rap avec un W dans la tête, j'ai pas déjeuné, fait que j'avais un. Ta-na-ta-ta-ta! Ouais, non, c'est ok. Ça. Alors, on va parler des Patriotes. Écoute, avant de parler de la partie d'hier, je pense qu'on va aller voir les deux dernières, les Pats en Ontario en fin de semaine pour affronter l'Université Nipissing à North Bay. On sait, North Bay, c'est un programme de deuxième année qui fonctionne énormément. Je vais te dire, écoute, c'était la relâche cette semaine à Nipissing, en fin de semaine. Donc, on s'attendait à un peu de moins de monde, tu sais. Quand même 1376 personnes en relâche. Mais tu sais, c'est sûr que c'est à peu près 1000 personnes de moins que normalement. Où est-ce qu'il y a tout un gros du monde à Nipissing? Parce qu'il y a quoi à faire à North Bay? Rien! Alors, et on s'attendait à une victoire des Pats, mais malheureusement, absolument rien a fonctionné du côté des Patriotes. Quand ça marche pas. 37 tirs dans la défaite de 6 à 1. Des Pats, 37 tirs pour les Patriotes, 22 pour Nipissing. Ça a été très difficile du côté de créer des choses, encore une fois, de compléter les jeux. Jean-Christophe Blanchard est dans les filets pour 5 des 6 buts. Vincent Lamontagne est venu en relève. Le seul but des Pats, à 3 minutes 27, première période, ça venait de commencer. Mmh. Un but, Francis Charland. On dit, bon, ça va bien aller pour le reste de la partie. Non, écoute, ça a commencé après ça. Deux buts en avantage numérique du côté de Nipissing. Et après ça, les vannes du barrage étaient ouvertes. Ça s'est détérioré. Et ça, c'est ce qui a mené à la défaite du côté des Patriotes. Donc, faut pas en ouverture de rideau. On se dit, bon, ça va être mieux à partir de demain. Le message a été passé. Jacques Laporte a expliqué à ses troupes c'est quoi les Pats. Comme il m'a dit, il dit, il fallait leur dire que les Patriots, c'est une équipe gagnante et on n'est pas, pas question que ça se reproduise. Et c'est en effet ce qui s'est passé le lendemain à Toronto. Une victoire de 6-2 des Pats. 43-31 les tirs dans la victoire. Les buts, écoute, belle avance Martin, Charland deux fois, Breton, Chicoine deux fois lui aussi. Donc Guillaume Chicoine, défenseur, deux buts dans la victoire des Patriotes. Charland, ça se continue. Si on prend la dernière saison, Francis n'avait pas fait de points à la première partie, a fait des points à tous ses matchs ensuite. Ça se continue cette saison aussi. On en est à peu près à 27 matchs, je ne me trompe pas, de fil avec un point. Comme tu as vu dans la défaite de 6-1, oui, a fait le but. Il y a deux buts dans cette partie, en plus de deux passes. Donc, un match de 4 points pour Charland. Bien sûr, joueur du match du côté des Patriotes. D'ailleurs, félicitations à l'Université de Toronto qui, en plus de ne pas donner la foudre, ne donne pas les étoiles et ni les arbitres. Donc, j'ai ma ligue de roller hockey à Saint-Pie était plus populaire que ça. Pas populaire, mais professionnel. Ouais. Le hockey Cosum à l'UQTR, il y a 2 ans, était plus professionnel que ça. Ah, OK. Pas cette année ou... Ben, je sais pas. OK, tu joues pas, OK. Je me demandais, donc... Mais c'est ça, aussi, on peut parler de la performance de J.S. Breton, qui a ramassé 3 points, tout comme Maxime Fréchette, le défenseur, avec 3 passes. Allons-y avec la partie d'hier, on y était, c'était le happening Patriot. Eh bien, écoute, dans la foule, je vais te dire 380 personnes. Ouais, qui est quand même bien. Il y a eu 120 étudiants. 120 étudiants. Ouais. Qui faisaient du bruit, disons. Il y avait un Patriot Man. Oui. Un kilt, chandail de couleurs, orange et vert, bien sûr. Et un face paint qui avait l'air un peu de Braveheart. Ouais. Je sais pas si c'est le personnage dans Braveheart, là, mais Mel Gibson, avant qu'il veuille fou, là, puis qu'il engueule sa fille. En tout cas, on rentrera pas trop dans les... Voilà. Donc, ça l'a amené un peu d'ambiance dans l'aréna. Oui, il y avait de l'ambiance. C'était le fun. C'était, et malheureusement, ça s'est pas transporté totalement dans la partie au niveau des performances complètement. Bon, allons-y avec le sommaire du match. En première période, c'est McGill qui ouvre la marque à 13-36. C'est Wright. C'est suivi de Donovan qui vient fermer la première période. On sort de la première avec le momentum. En deuxième, pas de but. C'est encore 1-1 début de troisième. Et c'est là que ça tombe mal. Alexandre Picard-Hopper qui marque à 38 secondes. Début de période, devrais-je dire. Charland! Car lui, qui continue sa géniale séquence, son 4e de la saison, les aides de belle avance Martin. À 1,59. Il y a 2 minutes de fait dans la période. Ça devrait quand même... Bon, c'est serré. On peut s'attendre à la chose. De quelque chose qui a de l'allure. Malheureusement, McGill vont faire 3-2. C'est encore Wright, lui, qui vient faire un but sur l'avantage numérique. Après ça, ça se continue. Marc-André Dorion, le défenseur qui a eu un essai avec les Maple Leafs de Toronto cet été, qui vient faire la marque 4-2 à 11 minutes 40 de la troisième période. Après ça, Steve Bellefleur va avoir une pénalité pour mise en échec par derrière. Lui qui avait aussi écopé de la pénalité à 2,28 qui a mené au but de Wright. Après ça, bon, écoute, une autre, Félix Petit qui reçoit une pénalité pour bâton élevé. Nicolas Desilets qui reçoit 2 pénalités aussi en troisième. Beaucoup d'indiscipline, de pénalités. Surtout, écoute, du côté de Nicolas Desilets, c'est co-capitaine de l'équipe, tu te dois de montrer bon l'exemple. On n'a pas à se poser la question. Deux coups de bâton, là. C'est pas le type de pénalité qu'on... Tu sais, des pénalités utiles. Il y en a des pénalités utiles, mais celle-là, ça ne l'était pas. McGill en a profité. Donc, je disais Dorion qui avait fait la marque 4-2. Alexandre Picard-Hopper, encore lui, va venir mettre la marque 5-2 et Evan Vossen en fin de troisième période qui, alors qu'on est encore avantage numérique, il reste environ 4 minutes à la troisième qui vient mettre la marque 6-2. On peut souligner quand même la performance de Jean-Christophe Blanchard. Écoute, qui a même arrêté un tir de pénalité à 3 minutes 31 en deuxième période sur le tir de période de tir de pénalité de l'ancien défenseur des Tigres de Victoriaville, Ryan McKernan. Donc, les avantages numériques, 3 en 7 du côté de McGill, l'UQTR 0 en 3. Je pense qu'on a une bonne partie de l'histoire du match là-dessus. L'indiscipline. Les étoiles dans la partie Andrew Wright, la première, Dorion, la deuxième, et Jean-Christophe Blanchard, malgré les 6 buts accordés, qui récolte la troisième étoile. 34-25, les tirs. C'était un match quand même, défensif. Très difficile de créer des choses du côté des Patriotes. Très difficile aussi de rentrer en zone, comme Jacques Laporte disait après le match. C'est une équipe qui joue la base. Il faut jouer la base contre eux, et c'est pas ce qui a été fait. Pourtant, la préparation était faite, selon lui. Il y avait quelque chose qui n'avait pas passé. Donc, on va aller écouter tout d'abord les commentaires de Jean-Sébastien Breton après ce match. Jean-Sébastien, qui est quelqu'un, je pense, j'adore discuter de lui après les matchs. Avec lui, plutôt, après les matchs. Tout le temps, comme la bonne analyse de ce qui s'est passé, capable de bien dire ça. Donc, on va aller écouter ce qu'il avait à nous dire. C'est le parti, JS. Oui, 6-2 contre McGill. En plus de se faire le score, on sait que c'est une grosse rivalité. Puis de perdre de même à la maison la première game contre d'autres d'ouverture, surtout qu'il y avait une bonne crowd, je peux dire. C'est vraiment décevant. Là. Mais une chose qui est pas si pire, c'est qu'on joue contre d'autres lundi. Fait que j'espère qu'on va garder la rage pour aller donner une bonne performance là-bas. Ça semblait difficile comme créer des opportunités. Qu'est-ce qui a pas marché à l'attaque? Ouais, c'est dur à dire. La première période, je pense qu'ils nous ont contrôlés. La deuxième, on commençait à avoir plus de jambes peut-être. Ils jouent une game serrée. Fait que, on a fait les choses simples. On a dompé, on est allé chercher le puck, on a travaillé un petit peu plus fort. Puis c'est venu comme ça. Puis en troisième, ben là, on peut pas parler, on était en piqué toute la game. Fait qu'on pouvait pas créer grand chose. Frustration de votre côté de pas être capable de créer de quoi ou qu'est-ce qui s'est passé pour que ça tombe de même? Je pourrais pas te dire. Sûrement la frustration un peu, oui, c'est sûr. On voulait jouer plus intense, on voulait serrer le jeu. Donc, sûrement que ça donnait des coups de hockey qui faisaient des 2 minutes. Ça nous a fait mal. Et pour lundi prochain, contre McGill encore, y a-t-il des choses qu'on a l'intention de changer ou le message est passé? Je pense que le message est passé. C'est sûr qu'on va essayer de commencer fort. Je pense que c'est un de nos défauts. La première période est vraiment importante. Fait qu'aller chercher le momentum dès le début, finir nos mises en échec, on parle pour tout le monde. Vraiment amener tout au but, travailler fort, redoubler d'ardeur. Puis je pense que les résultats vont devoir venir. Alors, c'était les commentaires de Jean-Sébastien Breton après la partie. Je pense le message, je te dirais, là, dans la chambre, là, ça parlait pas. J'ai rarement vu la chambre des Patriotes. C'est sûr que on voit rarement les Patriotes perdre, donc en partant, c'est plutôt rare de voir une chambre aussi silencieuse que ça. Mais c'était pas très heureux. Il y avait des gars qui bougonnaient, qui étaient en rogne. Puis vraiment l'ambiance était pas excellente. On va maintenant aller écouter les commentaires de l'entraîneur Jacques Laporte après cette partie. Je veux dire, à la défensive qu'ils ont, eux autres, ils ont un système assez hermétique. Je veux dire, une chose, nuit été de Blanchard, les deux premiers, les mêmes moments de match, on ne va pas pousser d'eux. Ça aurait été encore plus désastreux. Puis, mais, oui, c'est difficile de créer des occasions. Oui, il faut shotter de l'excellent puis aller pour le retour. C'est garde, c'est hockey 101 contre eux autres. Basique, mais appliqué à la lettre. Il n'y a personne qui va réinventer le hockey contre eux autres. Là. Les autres, c'est une question de travail, c'est une question d'éthique de travail, c'est une question de discipline, puis c'est une question de jeu collectif. Ça, c'est hockey sans raison. Puis là, pour lundi prochain, y a-tu du changement? Moi, également, une claque sérieuse, mais alors pas même une deuxième. Tu comprends? Fait que je me dis, fais confiance aux gars qu'ils ont de la fierté. Puis c'est sur cette fierté-là qu'il faut bâtir. Je suis convaincu que lundi, ça va être différent. Alors, Jacques Laporte, qui était quand même assez... Éloquent. C'est clair. Je pense qu'il faut retenir que quand tu manges une claque, ça aille une fois, tu n'en manges pas une deuxième. Le message est lancé du côté des Patriotes. On espère que ça va passer. Le prochain match de l'équipe qui est lundi à McGill. Donc, c'était un match aller-retour dans cette rivalité. Des bonnes mises en échec hier. Mais tu vois, c'est peut-être. On parlait de ça justement la semaine dernière que les Pats avaient une équipe qui était rapide, qu'il ne fallait pas nécessairement tomber dans le jeu de l'adversaire. Puis on a vu dès le début du match, les Patriotes sont mis à frapper. Puis c'est vraiment eux physiquement qui ont dominé le match au niveau des mises en échec. c'est peut-être ce qui a un peu brisé le rythme des Pats au niveau de leur vitesse puis de la qualité de l'exécution. On s'est entêté, je crois, à faire mal à McGill. Au final, ben, on a payé en troisième période. Oui, et on a payé en troisième période. C'est une des raisons, mais vraiment, le jeu défensif, c'est vraiment ce qui m'a marqué du côté de McGill. Il n'y avait rien à faire. Il n'y a rien qui passe. Il n'y avait rien à faire. Les chances de marquer, les vraies chances de marquer des Patriots, ça se compte pas loin d'être sur une main. Là. Il y a deux buts là-dessus, là, mais c'est pas loin d'être sur une main. On fermait le jeu. De son côté, Morin, dans les filets de McGill, a été excellent. Rien à reprocher. Lui, Morin, pas joué junior majeur. Il a joué, je pense, dans la Central Junior Hockey League du Junior A. Arrive à McGill, pouf, pogne le rôle. Son adjoint cette année, c'est Antoine Tardif, là, qui quand même a connu une carrière correcte au niveau junior. Et non, ça s'est pas allumé. Au niveau de, bon, on parlait de l'indiscipline. Je trouve quand même que l'arbitre a eu un match correct. Je sais que toi, Phil, tu n'étais pas totalement d'accord avec ça. Ouais, ben non, mais j'étais dans la foule. Hein. Ouais, dans la foule, tu t'en prends toujours un peu plus facilement à l'arbitre. C'est sûr que les pénalités du côté des Patriotes, je pense que la plupart étaient méritées. Ouais. Ce qui m'a un peu échaudé, c'est les pénalités que moi, j'ai cru qui auraient dû être appelées du côté de McGill, qui ne l'ont pas été. C'est une question de l'as-tu vu, l'as-tu pas vu, ça avait-tu l'air d'une pénalité à hauteur de la glace ou non, ça je sais pas. Mais rapidement, dans full, quand justement en troisième période, la séquence où il y a eu 4-5 pénalités de suite. Ouais, ben on a joué à 5 contre 3 durant. À partir de la moitié de la troisième période, les Pats ont été en désavantage numérique tout le long. Et là-dedans, il y a au moins 2, si c'est pas 3, 5 contre 3. Fait que c'est sûr que tu peux pas espérer gagner avec ça. Puis même, c'était 4-2, puis sur un 5 contre 4, je me souviens, les Pats qui ont poussé très fort, qui ont eu deux belles chances de marquer. Qui ont vraiment profité de leur vitesse là-dessus. Comme ça, t'as pas le droit de construire un jeu, fait que c'est sur ta sortie de zone que ça se fait très rapidement. Olivier Donovan, si je me trompe pas, qui a été menacé Hubert Morin, mais qui malheureusement, écoute, ça aurait pu changer le match. Tu ramènes la marque à 4-3 en désavantage numérique. Tout est possible, tu fais un peu plus attention à ton bâton, tu aurais peut-être pas donné autant de pénalités aussi par la suite. Fait que beaucoup d'indiscipline, peut-être un peu trop d'émotion aussi dans le bâton au niveau des Patriotes, ça a coûté le match. Oui, exactement. Bon, ben, pour ce qui est des Patriotes, écoute, je te parle un petit peu du classement rapidement du côté des sports universitaires de l'Ontario. Je peux te parler des meilleurs marqueurs tout d'abord. Écoute, dans le meilleur, Francis Charland, ses 3 matchs, 6 points, se classe dans la OU, dans les SUO, devrais-je dire, les sports universitaires d'Ontario, est au 6e rang, mais c'est les étonnants Stingers de Concordia avec Alexandre Monahan et Charles-Antoine Messier. 2 matchs de jouer, 9 et 8 points respectivement pour les deux. Très impressionnant, Concordia qui est sorti des blocs de départ assez solidement en début de saison. 2 victoires, McGill premier rang dans l'Est, bien sûr. Et les Pats, une victoire de défaite, sont au 8e rang, tout juste devant RMC et derrière Nipissing. Donc, on peut s'attendre à ce que ça change d'ici là. Je pense pas que ça va être le classement final à la fin de l'année, mais peut-être pas exactement le départ qu'on s'attendait du côté des Patriotes. 2-1 aurait peut-être été plus plausible et ce n'est pas ce que c'est. On va parler de natation rapidement. Écoute, l'athlète de la semaine, Caroline Napierre-Lemire. Écoute, nouvelle recrue, natation. On se souvient de l'époque de Jennifer Hyle. Non, pas Jennifer Hyle, elle fait du ski. Oui, c'est ça. Elle. J'ai un blanc, là. Moi aussi. J'ai un gros blanc, là. Mais qui était... Ah non, on m'a le retrouvé. Fouille-moi ça, Phil, je me sens mal de ne pas connaître mes Patriotes à ce moment-ci. Là. Qui était une excellente athlète. L'an passé, en natation, ça a été un petit peu plus difficile du côté des Patriotes. La nouvelle, Lapierre Lemire, recrue de la semaine. Écoute, elle a remporté une médaille d'or, une médaille d'argent dans la première Coupe universitaire tenue à Sherbrooke. Elle a fait un temps de 57,64 secondes au 100 mètres, ce qui a permis de se classer. Elle se classe aussi, elle est maintenant éligible au championnat canadien. Excellent pour elle. C'est une recrue de l'Abitibi-Témiscamingue, devrais-je dire, et elle débute un baccalauréat en kinésiologie. Donc, félicitations à elle. Très intéressant pour le programme de natation aussi. On cherchait Jennifer Carroll. Jennifer Carroll. Écoute, d'un nom anglophone à un autre nom anglophone, oui. On s'est malheureusement trompé. Donc, soccer, écoute, il n'y avait pas de match du côté des Patriotes féminin comme masculin. C'est dommage, c'est la seule semaine où il a fait beau. Oui! Et on n'aura pas eu de match. Et malheureusement, là-dessus, on peut pas. On contrôle pas encore la température. Non. Ça serait le fun, par exemple. Il n'y a pas le maire de Moscou qui a déclaré qu'il n'y aurait plus de neige sur sa ville là, avec quelques tours. Et satellites là, qui feront en sorte que les nuages ne domperaient pas leur neige sur la ville de Moscou. Ils vont domper ailleurs en Moldavie, par exemple. Tu vas avoir toute une périphérie de Moscou va avoir de la neige à n'en plus finir. Puis bon. C'est tout pour sauver. Une belle lubie. Tout pour sauver ces coups de déneigement. Ce serait utile à Montréal, par contre. Hein? Ben, ce qui serait utile à Montréal, c'est d'avoir un équipement de déneigement adéquat. Les gars qui n'ont pas fini de faire la rue, qu'il faut déjà qu'ils recommencent l'autre bord, bon, un moment donné... Ben là, je pense qu'ils ont fini. Là. Ça a l'air, c'est beau présentement. Ah, c'est correct. Ben, on m'a dit que c'est pas mal terminé au niveau du déneigement à Montréal. Il n'y a plus de bande de neige. Pas mal. Bon. Les pancartes de nos parkings sont encore là, mais... Fait que là, ils ont deux semaines de vacances avant que ça recommence. Ouais. C'est bon. Exactement. Hey, on va parler en fin de semaine. L'horaire pour les équipes. Donc, au soccer, on en parlait. Les équipes sont à Montréal ce soir pour disputer un match, les gars. Et dimanche, ils seront ici même à Trois-Rivières pour affronter les Redmen de McGill. Donc, ça se continue. Hey, d'ailleurs, salutations aux gars de soccer qui étaient assis en arrière du banc de McGill hier. Oui, bravo les gars. Qui se sont fait aller le clapet pendant une bonne partie du match. Génial. J'ai bien aimé voir ça. Les gars des pattes de soccer assis tous ensemble derrière le banc des joueurs de McGill. Et on voyait aussi qu'il y avait le joueur substitut en fait du côté de McGill qui était un peu à l'écart avec son ordinateur, qui faisait pas trop de vagues, qui essayait de passer inaperçu. Non, les gars des pattes qui ont bien joué le jeu. Oui, oui, en effet, les gars, c'est fun d'avoir un peu de sport de chaque bord et de tout ça. Cross-country, on est à Sherbrooke en fin de semaine. Hockey, on s'en va aux États-Unis. On s'en va affronter des équipes de la NCAA. Tout d'abord, l'Université Dartmouth. C'est dimanche. Et pour ce qui est de... On vient au Canada lundi pour affronter McGill, bien sûr. Mercredi, on affronte Princeton et... Jeudi, on affronte Cornell, donc directement des États-Unis. Pas pendant la semaine de relâche. Écoute, les gars vont avoir de la misère un petit peu là-dessus. On va étudier dans l'autobus. Pis... C'est très chargé. Très chargé comme calendrier. Surtout que bon, les trois matchs contre les universités américaines ne comptent pas, évidemment, au classement. Ouais. C'est des matchs, de vision, je dirais, parce qu'en fait, c'est ça. Tu t'en vas te montrer aux États-Unis. Le fameux team bonding là, qu'on appelle. Là, donc, mais descendons-nous à Dartmouth pour un match pour revenir le lendemain. Le lendemain pour McGill, écoute... On va se croiser les doigts. Quoi que la majorité des gars jouent junior majeur, donc on est habitué de faire d'autobus dans ce cas-ci. On s'en va une pause. Au retour, on reçoit Jonathan Bernier directement de Buffalo qui nous parle du match du Canadien de ce soir. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou! C'est fou ça. À Mexico! 89.1 sur le net au cfou.ca. Nounou! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. L'inconduite de partie. Problems. I don't think I'm too far gone. I haven't hit rock bottom. nous insulte? Il insulte toute l'équipe! Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais, ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Le conduit de partie. Alors, c'était Danko Jones avec la chanson I Can't Handle Moderation. Si le bruit, un peu, le son de Danko Jones vous dit quelque chose, si vous êtes propriétaire d'une copie de NHL 2011, c'est pourquoi ils ont une chanson sur le dit jeu. Si vous voulez nous rejoindre en studio, c'est l'inconduitdepartie.com et notre courriel live commercial inconduitdepartie.com. Je sais, j'ai pas mis l'émission de la semaine dernière sur Internet. Ben petit oui. Problème de logiciel musical, c'est-à-dire que... Marche pas. Mon trial est fini, là. Tes 30 jours d'essai sont terminés. Mes 30 jours d'essai sont terminés, et donc... t'as pas eu un contrat renouvelé pouvant permettre de payer la dite... On verra. On va trouver. J'ai trouvé une solution gratuite. Un autre trial. Oui, c'est ça. D'accord. Non. Quelque chose de gratuit. Un freeware. Oh. Donc, là, c'est Mathieu Plante qui sera fier de moi. Là, je parle de technologie au lieu de parler de sport. Hey, ça joue à nous présentement, directement de Buffalo, Jonathan Bernier. Ça va bien, Jonathan? Oui, ça va bien, vous autres? Jonathan, bien sûr, de ruefrontenac.com. Ça va très bien. Écoute, malgré. Il fait quoi à Buffalo? Ça a l'air de quoi? Soleil dégagé, ciel dégagé, c'est-à-dire il doit faire pas loin de 20 degrés. On est oh bien. Mon Dieu, t'es chanceux. Je suis jaloux, ici il pleut, fait frette. Hey Jonathan, Buffalo, ce soir, les Sables, les fameux Friday Night Hockey à Buffalo, on le sait, c'est une tradition quand même, le hockey du vendredi soir, autant que maintenant au HSBC Arena que ce l'était au vieil, écoute, j'ai un blast, non, l'auditorium. Là. Le Memorial Auditorium. Donc c'est aussi couru que le hockey du samedi soir à Montréal, je dirais. Ouais, ben le match ce soir, est-ce que c'est encore à 8h les matchs le vendredi? Non, ce soir c'est à 7h30. OK, parfait. 7h30, mais là il y a une présentation spéciale parce que ça fait 40 ans aujourd'hui que les Sabres disputaient leur premier match dans la Ligue nationale et c'était justement contre le Canadien. Le Canadien qui a ouvert à peu près les matchs de toutes les équipes. C'était également le cas contre les Pingouins qui avaient ouvert le Console Energy Center. Ouais. Non, il y avait été mais non, ouvert. Mais on avait même ouvert le Mellon Arena. Le Canadien l'avait ouvert, l'avait fermé puis ouvert le nouveau. Ben écoute, même chose contre Buffalo. D'affronter le Canadien, ça te garantissait une bonne foule au moins. Fait que... Exact. C'était ce qui avait probablement le plus d'allure à l'époque. C'était comme une carte de visite, veux pas, le Canadien. Ouais. Parce qu'il y a 40 ans, Toronto gagnait déjà pas. Donc, ça va vite quand même. Hein? Quand même. J'imagine que les Sabres vont porter... Est-ce qu'ils vont porter leur nouveau troisième chandail avec un style d'écriture à la baseball un petit peu? Non, en fait, apparemment, ce qu'ils vont porter, ça va être le premier uniforme blanc qu'il y avait à l'époque. Là, okay. Blanc, bleu et jaune. Le logo avec lequel ils sont revenus cette année. Là. Qui est magnifique, là, en passant. Là, je trouve que c'est un chandail qui est donc plus beau que l'espèce de limace avec des cornes que l'équipe avait l'an dernier. Là. Ouais, mais moi, je trouvais que ça ressemblait à la coupe de cheveux de Denis Lamalisse quand on était jeune. Ça avait l'air d'une moumoute, là, du chandail bleu. Un toupette. fait que c'est ça. Donc, le Canadien, ce soir, il va essayer de retrouver le sentier de la victoire puis de récompenser Price peut-être, le Carey Price, pour son bon travail contre le Lightning. Quand même fait là, plus de 40 arrêts, ce qui est assez spectaculaire. Habituellement, quand ton goal-là est hot comme ça, là, c'est bon pour pour une victoire habituellement. Donc ce soir, le Canadien devra resserrer la défense s'il veut espérer de l'emporter, parce que à l'image du Lightning, je pense que les Sabres ont une équipe dotée de beaucoup de finesse et de rapidité. Parce que tu quittes la défensive chez les Sabres de Buffalo, c'est pas... bon, on a Tyler Myers, bien sûr, mais après ça, ça tombe quand même... on n'a pas de gros joueurs impressionnants, me semble. Non, en fait, c'est ça. Là, ils ont perdu au cours de la saison morte leurs deux piliers, là, Henrik Talinder, puis... Tony Lindman. C'est pas bon quand Talinder et Lindman sont tes piliers en partant, là. C'est pas... Non, ben, en partant, mais en fait, c'est ça. Puis c'est des défenseurs quand même fiables, je te dirais, surtout en zone défense. Ouais, là, en effet. Donc, quand tu perds ces deux gros morceaux-là, il reste plus grand-chose. Fait que Ryan Miller va devoir encore une fois cette saison sauver des meubles, mais encore plus que d'habitude, d'ailleurs. C'est ça, du côté du Canadien, là, je pense que le problème du système défensif, c'est que je pense qu'il est trop défensif. Okay. Aussitôt que l'autre équipe applique un peu de pression, là, on voit les défenseurs du Canadien puis les attaquants se replier autour de l'enclave, un peu comme on l'a fait en série l'an dernier. C'était la recette du succès, finalement. Là, mais à un moment donné, ça a une fin. Ça ne peut pas toujours fonctionner. Donc, je pense que c'est ça le gros problème. Puis aussi le fait que quand le Canadien prend possession de la rondelle, on dirait que les attaquants ont tendance à peut-être partir un peu trop vite au galop, puis la relance se fait difficilement, les passes vont intercepter près de la ligne bleue, donc ça crée des revirements. Puis à ce moment-là, étant donné que les attaquants sont déjà sortis de la zone, mais là, ça crée des surnombres, puis les occasions de marquer se multiplient à ce moment-là. Donc ça sera sûrement corrigé, puis je pense que Jacques Martin, j'ai pas vu l'entraînement hier, mais on m'a dit qu'il y avait eu beaucoup de travail là-dessus hier à l'entraînement, le travail en fond de territoire et les sorties de zone. Donc ça pourrait être de bon augure parce que là, ça fait déjà seulement 3 matchs que le Canadien a de disputer et déjà on a accordé plus de 35 lancés dans 2 de ces 3 matchs-là. Pittsburgh oui, là, mais Toronto et Tampa, c'est pas nécessairement des puissances là. Non. Pour accorder autant de tirs que ça. C'est ça, puis ça a l'air d'être un peu ça revient un peu comme l'an dernier, parce que j'ai compilé un petit peu les statistiques tantôt avant de t'appeler. J'ai regardé l'an dernier, dans 29 matchs sur 82, le Canadien a accordé 35 tirs et plus. C'est quand même pas mal. Puis dans 15 d'entre eux, là, ça a même monté au-dessus de 40. Oui. Mais on se rappelle, on disait même qu'il y a Yaroslav Halak qui était meilleur, accordait moins de buts lorsqu'il recevait plus que 35 tirs. Oui, mais c'est ça. C'est rendu quand on cherche une statistique pour trouver du positif là, de ce côté-là, ça montre que qu'on a un petit problème. Oui, en effet. Puis parmi les défenseurs, bon écoute, je vais toujours parler un peu des recrues, là. J'aime bien ce que je vois de Piqué Souban. Ben oui, qui a réussi à se faire haïr comme s'il venait de voler une banque à Pittsburgh. Exact. Un jeune défenseur recru, puis bon ok, c'est sûr que Pittsburgh ont eu affaire à lui et au Canadien de Montréal, disons-le, au printemps dernier, mais quand même de voir un jeune se faire arriver comme ça, c'est assez... Mais il est flamboyant, hein? Fait que tout de suite, on le remarque assez rapidement sur la glace. Ouais, puis c'est ça, il y a pas la... Je pense qu'il... En tout cas, avec les médias, il n'y a pas la langue dans sa poche, donc j'imagine que sur la glace, ça doit être la même chose. Fait que probablement qu'avec une réplique facile comme ça, là, il est possible qu'il soit haï, détesté très rapidement. C'est même fait interpeller par Don Cherry qui était dit que c'est bien beau parler, mais à un moment donné, il va se faire blesser, il va y goûter, puis bon, Cherry qui a été montré, en tout cas, le coup de bâton, le bâton élevé de Mike Comrie, qui était pas, en tout cas, tant qu'à moi, la référence, c'était pas nécessairement, c'était un bâton élevé, je veux dire, il y en a à peu près 4 par match, donc c'est pas nécessairement ce que ça veut dire, mais ouais, déjà, Piqué qui fait sa marque, là, rapidement. Le problème, par contre, c'est qu'on l'a vu hier à l'entraînement, bon, a causé peut-être la défaite avec sa pénalité en fin de match contre Tampa Bay, puis à l'entraînement, hier, jouait avec Picard. Donc, on n'a pas le pardon facile là, du côté de Jacques Martin. Non, mais c'est ça, là, c'est ce que l'expérience va lui apporter, là, parce que présentement, il est comme, je comparerais ça un peu à un cheval fou, là, il reste juste d'un autre côté, c'est plus intéressant de devoir arrêter un joueur que de devoir toujours lui pousser dans le derrière. Mais dans son cas, là, je pense qu'il va apprendre à doser là, à mesure que la saison va avancer. Puis ça va être pour le mieux, je pense. Mais d'un autre côté, moi, je l'aime comme ça. Il est spectaculaire. Il prend des risques beaucoup. Ça peut coûter probablement des buts. Puis ça va peut-être coûter des victoires cette saison. Mais d'un autre côté, je pense que c'est les risques qu'il prend vont apporter plus de succès qu'il va nuire. Et puis, dans le même ordre d'idée, là, que sa fougue et son indiscipline, là, je pense que ça, avec l'expérience, là, il va apprendre à calculer le moment précis où prendre le risque, là, le moment où ça vaut la peine. Donc, ce soir, écoute, comment tu vois le match? Ta prédiction, si on peut dire? Écoute, moi, je pense que je crois que le Canadien va l'emporter ce soir. Il y a eu des petites modifications de trio, hier à l'entraînement, donc je sais pas si ça va être le cas aujourd'hui aussi. Là, on va voir ça tantôt, je m'en vais à l'entraînement du Canadien. Ça pourrait peut-être fouetter Gomez et Genta d'avoir Travis Moen près d'eux, quoique, bon, en tout cas, je suis pas vraiment... Moi, j'aurais aimé qu'on essaie l'arcellaire avec Gomez et Genta. Ouais, c'est ça, moi aussi, c'est en plein ce que je pensais. Parce que Mohan a joué un peu l'an dernier aussi avec ces deux joueurs-là, puis c'était pas nécessairement concluant. Par contre, amener Pouliot avec Boyd et Payet, là, on en parlait justement ensemble la semaine dernière, que ça pourrait peut-être aider Pouliot et aider la production d'un troisième trio. Je pense que ça pourrait peut-être amener de la profondeur à l'attaque. Mais sinon, c'est ça, moi je pense que le Canadien va sortir fort ce soir, puis on va se reprendre pour la défaite face au Lightning. D'accord, ouais, parlant de ça, la défaite face au Lightning, qu'est-ce que tu as pensé un peu du travail de l'équipe, de la façon qu'on a réagi, parce qu'on a quand même, on disait tantôt qu'on a accordé beaucoup de tirs, mais je veux dire, le Lightning, la dernière chose qu'on dit du Lightning, c'est que c'est une puissance défensive et on a été incapable de créer des opportunités de qualité du côté du Canadien. Oui, bien effectivement, là, ça manque un peu de créativité à l'attaque, mais je pense que le gros problème... plus que le jeu à 5 à force égale, c'est l'avantage numérique du Canadien. Là, depuis le début de la saison, ils ont marqué aucun but en 9 tentatives. Là, je sais que Markov n'est pas là, puis que Marc-André Bergeron, on l'a pas ramené, mais malgré tout, c'est pas 0 en 9, là, c'est inacceptable. J'aurais pu comprendre. Je peux comprendre qu'en l'absence de ces deux gars-là, ça soit moins efficace, mais de là à être nul carrément, là, ça c'est un gros problème. Et puis, étant donné que le Canadien, l'an dernier, a fini dernier pour les buts marqués à force égale, si ça continue à aller aussi mal en supériorité numérique, ça ne veillera pas tard au printemps. Non, en effet, parce que ça, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Là. Exactement. OK. Samedi, Canadien, j'ai un blanc. OK, on affronte... C'est les Sénateurs. Les Sénateurs, donc, à Montréal. Les Sénateurs à Montréal. Là, je ne sais pas si ça va donner, si ça va donner avec le match sur 4 de Kovalev. Kovalev qui évolue sur le quatrième trio des Sénateurs d'Ottawa. Hier, je crois que les Sénateurs disputaient une partie. Il jouait en Caroline hier. Oui, évolué sur le quatrième trio du côté de Kovalev. Donc, ça va de mal en pis pour la Merveille. Ouais, mais à Ottawa, ça va de mal en pis pour tout le monde. Ah, c'est ça. Alfredson aussi pourrait jouer sur le quatrième trio. Ouais, mais au moins, Corey Clauston a eu le mérite ou le courage, devrais dire, de le mettre sur le quatrième trio, ce qui aurait peut-être été bon à Montréal quelquefois pour au lieu de le laisser à la maison comme on avait déjà fait. Oui, c'est ça. Au lieu de le laisser réfléchir, là, tu laisses réfléchir un petit peu plus longtemps sur le banc. Là. Donc, comme dirait Denis Lemieux, là, parce que vous passez des extraits de Slapshot, sur le banc, tombe. en fait, je vais quitter bientôt pour l'entraînement des Sabres. On va savoir, là, je sais qu'il y a déjà des journalistes qui sont arrivés hier qui ont pris des nouvelles de la condition de Jason Pomainville. Oui. Mais j'ai bien hâte de voir là, c'est ce qui arrive avec lui apparemment. C'est très difficile là, la récupération. Il a commencé à reparler à ses coéquipiers hier, si je ne me trompe pas, là, via téléphone, parce que sinon, ça, c'était seulement par texto. Il n'est pas sorti de chez lui depuis l'incident. Ouais. Donc, en tout cas, c'est inquiétant. On voit quand même la différence. Il fut une époque où les commotions cérébrales n'étaient pas décelées. Ou du moins, on passe à côté. Et aujourd'hui, les gens qui ont des commotions cérébrales font des textos. Donc, tu sais, on est vraiment une mère de différence de quoi de là 10 ans, mettons, 10-15 ans. Là, si on recule, là, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est encore... c'est drôle quand même le nombre de joueurs québécois qui se font cogner. Tu sais, c'est un hasard, là. Je dis rien, mais je veux dire, on peut parler de Patrice Bergeron qui a eu de la misère de son côté. Puis Simon Gagné, puis... C'est peut-être un hasard, peut-être qu'on en parle plus du côté des médias québécois, mais quand même le difficile du côté de Pomainville. On va y souhaiter quand même le mieux et un prompt rétablissement de son côté. Il y en a un autre aussi qui a eu une autre malchance hier. Là, je me souviens pas c'est quoi la nature de la blessure, mais Pascal Leclerc a encore subi une blessure hier. Là. On parle du bas du corps. Du bas du corps, donc fait que pour lui... Disons que son contrat qui est signé à Columbus il y a quelques années, c'est un bon investissement. Pour qui? Dans son cas. Oui, dans son cas, à lui. Pour lui. Pour lui, je veux dire, parce que là, par la suite, là, ça s'est détérioré. C'est pas nécessairement de sa faute, là, mais disons qu'il était assez malchanceux, surtout l'année passée, là, en étant blessé avec la fracture de la mâchoire quand il était ça, là. Ça, là. C'est digne de, tu sais, ou d'échapper un patin sur un, dans la chambre des joueurs puis de couper avec ça ou type de blessure. Donc, Pascal, il sera sur la CSST pour quelques semaines, probablement. Exact. Donc, on te laisse aller à ta pratique, Jonathan? Ben, pas à ta pratique, mais à la pratique plutôt des sables. Des sables, mais pour commencer, ensuite, c'est le Canadien qui saute sur la glace vers les 11h30. Ben, on te remercie beaucoup. Il n'y a pas de problème. C'est bon. Bonne journée. Bye. Donc, c'était Jonathan Bernier de Rue Frontenac qui nous parlait de ce que ça devrait avoir de l'air. Vos prédictions pour ce soir, messieurs? Je pense que ça va être une autre défaite du côté du Canadien. Ça me fait très mal à dire. Puis j'aime vraiment pas ça dire ça. Généralement, je vais quand même espérer la victoire. Là. Mais à moins que Gomez et Gianta se réveillent, et c'est pas Moen, je pense qu'il va les faire se réveiller. Le Canadien est mal parti. C'est ton opinion, t'es négatif à ce point-là, toi, là? Ben, ça fait 3 matchs, puis on les a pas vus depuis les 3 premiers matchs. Donc, il y a un trio qui marche. Ben, faut que ça débloque. Ça débloque un moment donné. C'est ça. Mais ça va-tu débloquer à soir? On l'espère. Mais c'est Ryan Miller. C'est difficile à débloquer contre Ryan Miller. Ouais, en effet, un vendredi soir à Buffalo, match d'ouverture, on va avoir peut-être les jambes gelées un petit peu. Ton côté, Pierre-Luc? Ben moi, je te dirais la même chose qu'un peu que Philippe. Je pense que les Canadiens ne gagneront pas ce soir. Et je ne vois pas non plus les Canadiens aller guère loin cette année. Là. Ça y est un peu tôt. Oui, il est tôt. Là. On va voir ce que l'équipe... Je pense qu'on verra après 25 matchs. Ouais. Ce qu'il y a année, je pense que ça va être un bon signe. Hey, de mon côté, 3-2 victoire du Canadien en prolongation. Ben, je te le souhaite, Nicolas. Mais je ne suis pas sûr non plus. Je vais aller m'acheter un loto. Là, j'ai pas un si grand feeling que ça. On s'en va en musique. On s'en va écouter Le Nombre avec la chanson D.B. Cooper. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est Fou. Bonjour, je suis Michael Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. Alors, c'était Le Nombre avec la chanson D.B. Cooper. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est Fou. On y va avec toi, Pierre-Luc, junior majeur. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du circuit courto? Oui, ben d'abord, on va commencer par nos Cataractes de Shawinigan cette semaine, qui avaient 3 matchs. Donc, tout d'abord, vendredi dernier, ils étaient du côté de Rimouski. Ont malheureusement été défaits par la marque de 6-3. Ryan Cavanaugh de l'Océanique a été la première étoile du match, lui qui a récolté 3 aides. Je dirais que les unités spéciales ont été... c'est pas mal là-dedans que ça s'est passé. Je te dirais l'Océanique qui ont marqué 3 buts en 4 occasions. Donc, 3 buts, là, 3 buts très importants dans la partie. Tandis que les Cataractes, eux, n'ont pu que compter qu'un but en 5 occasions spéciales pour ce match. Les buteurs du côté des Cataractes ont été Yannick Veilleux, Maximilien Le Sieur et Benjamin Cazavant. Maintenant, dimanche... Cazavant qui, enfin, lentement... Écoute, ça débloque pas. C'est difficile, très difficile pour Cazavant. Pas que c'est un... Pas qu'il travaille pas, pas qu'il fait pas ce qu'il a, pas à, ce qu'il a à faire, mais qui ça trouve pas le filet. Les cordages bougent pas beaucoup du côté de Cazavant cette année. Non, ça c'est vrai. Donc dimanche, on retournait du côté du Centre Bien-Être alors qu'on recevait la visite des Titans de Caddy Batters. Encore une fois, ça a été plus difficile. Ça a été difficile pour les Cataractes de Shawinigan. Ils se sont inclinés 4-2. C'est sûr que la Caddy Batters cette année, le Titan, est une des forces de la Ligue, je vous dirais. Enfin. Oui, parce que ça fait plusieurs années là, qu'on on est dans le bas de la cave. Ça va faire du bien à la concession aussi, je pense, qu'avec les foules qui sont de plus en plus, de moins en moins bonnes. Maigres. Mais donc, je pense que ça va peut-être donner un petit coup de pouce à la concession. Donc, dans le match, je te dirais que la grande vedette du match a été vraiment le gardien de but, le deuxième gardien de but du Titan, Robert Steves, lui qui seconde Nicolas Champion du côté Olivier Roy. Olivier Roy, désolé, ouais, t'as bien raison. Ouais. Donc, 34 arrêts. Champion qui était à Lewiston, si je ne me trompe pas, cette année. Ouais, il est rendu à Lewiston, ça plaît ça. Champion qui était l'an dernier. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est pas un mauvais flashback. Ouais, c'est ça. Donc, Robert Steves, 34 arrêts, le gardien de but, ça a très bien été de son côté. Et encore une fois, les unités spéciales ont fait mal aux Cataractes. 3 buts en 3 occasions pour le Titan. Donc, je pense que ça va être à travailler beaucoup là, les avantages numériques là, du côté et prendre aussi prendre de mauvaises punitions là, pour les Cataractes. Ça va beaucoup les aider. Si on regarde dans les 2 matchs, je pense que les unités spéciales ont fait la différence. Ça a été 2 défaites de leur côté pendant la fin de semaine. Si on s'en va maintenant, ça c'était mercredi, toujours au Centre Bien-Être de Shawinigan. Les Cataractes se sont très, très bien repris. Ils ont été dominants dans le match, même qu'ils ont dominé par 39-21 dans les tirs. Donc, ça a très bien été du côté des Cats. On pense aussi au Russe Anton Zlobin, qui a été la grande vedette du match, lui qui a inscrit 2 buts, dont le but gagnant, là, qui est le 3e but de la partie en 2e période. Anton Zlobin, justement, qui profite du passage de sa mère du côté de Shawinigan. Jonathan Roberge, de l'hebdo de la Mauricie, qui nous parlait de ça, l'hebdo du Saint-Maurice plutôt, qui nous parlait de ça cette semaine. Maman Zlobin est en main, est en ville. Jusqu'à quelle date la semaine prochaine? 22 octobre, si je ne me trompe pas. Donc, je pense qu'il en profite pour impressionner sa mère. Mais c'est pas facile pour un jeune de même. Puis mettez-vous à sa place, pareil. Il n'est pas obligé d'être un jeune, là. André Costitine, Sergei avec le Canadien et les gars qui sont loin, jamais connus l'Amérique du Nord, c'est un décalage trop, incroyable. Ouais. C'est un décalage. Puis tu sais, c'est t'en venir ici, là, c'est ça, c'est pas juste loin de maman, papa, là, t'es pas d'un bord à l'autre de la Russie, t'es au Canada, t'es loin. T'es dans l'obligation de performer. Ouais. C'est un do or die en plus. Parce que t'arrives avec un peu de pression sur ses épaules. C'est certain que les joueurs russes, les joueurs étrangers, c'est toujours des joueurs qui ont beaucoup de pression parce qu'on a le droit à 2 par équipe. Donc, je pense qu'on va avoir le maximum de ces joueurs. Souvent, faire son acquisition coûte cher. Il y a beaucoup de tractations en arrière des rideaux. Donc, de voir Zlobin commencer à allumer, commencer à lentement mais sûrement, son entraîneur Rick Veilleux qui a demandé de tirer plus, de prendre des chances, et ça semble de plus en plus lentement mais sûrement, là, Martin Mondeau qui nous l'avait vendu beaucoup, On commence à voir vraiment quelle sorte de joueur là, qui nous a apporté. Oui, exactement. Et voilà. Le match a été très robuste aussi. On a pu remarquer là, en 4 batailles en tout dans la partie, en première et deuxième période. Donc, ce match qui a quand même brassé. On a vu les Cataractes qui sont capables là, de bien se défendre côté robustesse. Donc, ça a bien été de ce côté-là. Les joueurs, Maximilien Lessard, un but, une passe. Dave Labrecque et Michael Claffé ont chacun 2 passes. Donc, ce sont les grandes vedettes du match, je vous dirais, avec M. Anton Zlobin. Aussi, on pense à Adam Jones des Foreurs de Val-d'Or. Là, on parlait des batailles qui ont eu dans le match. 2 batailles pour M. Jones. Et on sait maintenant, avec les nouveaux règlements, c'est automatiquement là, une inconduite de partie. C'est une suspension ou c'est juste une inconduite de partie? C'est une inconduite de partie. Peut-être un match. Il faudrait vérifier là, dans le... Continuez, je vous check ça. Merci. Et voilà. Donc, qui s'est battu quand même 2 fois face à Dylan Donnelly et Danny Potvin là, du côté des Cataractes. Donc, Jones qui a démontré qu'il savait se battre, ça c'est certain. C'est utiliser ses points, pour faire des points. Et voilà. Donc, fiche de 1 victoire, 2 défaites dans la semaine pour nos Cataractes de Shawinigan. Ça les amène à la troisième rang là, dans la division TELUS Ouest avec une fiche de 6 victoires, 5 défaites et 1 défaite aux Foreurs de Val-d'Or, l'équipe qui ont battu là, mercredi soir. Donc, égal avec un total de 13 points. Ça va bien du côté de Yannick Veilleux chez les Cataractes qui, pour l'instant, est le premier marqueur de l'équipe avec 7 buts, 5 passes. Maximilien Le aussi, ça va très bien de son côté. 5 buts, 6 passes. Et Dave Labrecque est le troisième marqueur de l'équipe avec 4 buts et 5 passes. Le Sieur qu'on avait obtenu l'an dernier dans l'échange de... voyons, j'ai juste Gabriel Lemieux dans ma tête. Maxime... Cap-Breton qu'on avait été chercher... J'ai un blanc, je suis désolé. On avait échangé un de nos joueurs de 20 ans contre le Sieur, qui à date se révèle être une bonne acquisition pour 2012. On le sait que cette année, les Cataractes, c'est pas ce qu'on vise pas nécessairement des grosses performances cette année, beaucoup plus Gabriel l'an prochain. Gabriel Lemieux? Non, pas Gabriel Lemieux. J'ai juste Gabriel Lemieux, mais c'est... j'ai eu ça quand ça m'arrive. Je fais mes recherches. Je vais continuer quand même. Ce soir, les Shawinigan qui reçoivent la visite de la troupe de Patrick Roy, les Remparts de Québec qui en ce moment sont au premier rang de la Ligue canadienne de hockey. Donc, dans le top 10 de Mastercard, ils sont premiers. Ils n'ont toujours pas perdu en temps réglementaire, les Remparts de Québec. Ça va très bien de leur côté. On pense à des joueurs comme Jonathan Audimarchesso, Joël Champagne et Thomas Philippi. Les 3 joueurs qui trônent en ce moment là, dans le top 5 des meilleurs marqueurs de la Ligue. Donc, ça va être à surveiller de ce côté-là. Les Remparts de Québec, toute une machine de hockey cette année, ont... aussi forts qu'ils sont pour l'instant. On sait pas, ça peut changer aussi. C'est sûr que la période des fêtes est pas passée. Mais les Remparts pour l'instant là, qui sont vraiment une grosse machine de hockey dans le sens aussi que ils remportent des grosses victoires par des. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs serrés jusqu'à maintenant du côté des Remparts. Ça a été beaucoup des victoires décisives. Donc ça va être un match à surveiller ce soir. Là, les Cataractes qui devront doubler leur s'ils veulent battre les Remparts de Québec et Patrick Roy. Je vous parle du règlement, les gars. Vas-y. Dans le cas d'un instigateur, c'est une punition majeure et un match de suspension. Dépendamment du degré d'instigation, ça peut aller jusqu'à 15 parties. Les sanctions sont aussi renforcées dans le cas des autres bagarreurs impliqués dans un combat. Ainsi, une bataille dans les 5 dernières minutes de jeu causera une suspension automatique d'un match, alors qu'une deuxième bagarre par le même joueur au cours d'un même arrêt de jeu lui apportera une suspension immédiate de 5 parties. Et je reviens avec ma précision de mon côté. Maxime Legault. Je pète une coche ce matin. Je vais gueuler contre le nouveau site de la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Ouais, ben ça, j'aurais voulu le faire depuis le début de la saison. Écoute, c'est pas t'es chercher le nom de Maxime Legault sur le site. Rien c'est à bon faire, bien. Ça bug. Mmh. Merci HockeyDB qui, encore une fois, évolue présentement avec les Pirates de Portland dans la Ligue américaine. Il y a quelques années. Ouais. À propos du site, c'est très difficile de naviguer sur le site. Et aussi, on clique, exemple, sur les joueurs qui, ça fait plusieurs années, qui sont dans la ligue. On n'a même pas accès à leurs statistiques dans les dernières années. Non, donc, je vous dirais que ça serait bon parce que. Mais du côté de la Ligue canadienne de hockey, on a voulu que toutes les équipes, toutes les ligues toutes les aient ligues le même conforme. Site. Malheureusement, un bon site, s'il y a de quoi qui ne marche pas. J'aimais pas l'ancien site de la non, façon qu'il était fait. Ça, c'est vrai. Mais au moins, tout fonctionnait. Tu avais accès à tout. Pendant les matchs, ça bug. Oui. On n'a pas accès à nos statistiques. Nous, quand on est sur la galerie de presse, tout ça. Je suis en train de chercher Maxime Legault. Et dans les L, les joueurs sont même pas en ordre alphabétique. Ah non. Non, c'est magnifique. C'est le fun de rechercher dans ce temps-là. Hein. Il va y avoir du travail à faire. Ou même, certains, il y a des coquilles qui sont faites au niveau de comment telle page est faite. En anglais, tu sais, une coquille en anglais. Il y a des pre-season, tu sais. Des choses à... Oui, beaucoup de choses à améliorer du côté, mais c'est pas de la faute, en tout cas, pas totalement de la faute de la Ligue d'Hockey Junior Majeure du Québec, là, mais... Non, c'est ça. On change pas une recette gagnante, là. Elle était peut-être pas super gagnante, non, mais au moins, ça fonctionnait bien, c'est ça. Donc, c'est ça, les Cataractes qui vont recevoir les Remparts, c'est leur seul match de la fin de semaine. Donc, c'est ce soir, à compter de 7h au Centre Bionès. On devrait s'attendre à une foule quand même. Quand les Remparts sont de passage ici, du côté de Shawinigan, là, on a toujours des excellentes foules. Ça, c'est un peu comme tu parlais du Canadien dans le temps. Les Remparts, c'est un peu la même chose dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Partout où ils vont, je pense que ça l'amène des bonnes foules. Donc, on peut s'attendre là, à beaucoup de gens là, ce soir là, du côté du Centre Bionès. Normalement, c'est 4125. Toujours pas d'Indien. Moi, je lâche pas le morceau. Ça va venir, l'Indien qui vole au Centre Bionès. 15 ans, ton Indien. Non. On n'est plus en 75. Ben, pourquoi pas? On pourrait le mettre ça encore plus à moderne. L'époque. On pourrait passer avec des pyrotechniques, des lasers, Philippe, tout. Philippe. On pourrait même faire un hologramme de l'Indien. Le papier mâché, c'est plus à la mode. Ah, dommage. OK? Les enfants n'ont plus le droit de jouer avec de la colle dans leur cours. Mm. Il y a trop de risques pour les allergies. Oui, mais t'es pas obligé de le faire par un enfant. Tu peux faire ça professionnellement. Non, mais c'est pour ça que je te dis, tout le marché du papier mâché, okay, c'est mort. C'est effondré lors de la fameuse crise du papier mâché en 2001. Qui avait été mal mâché. Ouais, c'est ça. C'est okay. Tout le monde sait. Bon, sur ça, je vais vous. On va continuer dans la chronique de hockey junior majeur. Du côté des Voltigeurs de Drummondville, cette semaine, qui avaient eux aussi dit qu'ils recevaient la visite du distant Xacadie batteur. Ça a été un match très serré. Après trois périodes, toujours aucun but n'avait été compté. C'est finalement en fusillade, alors que Jonathan Lessard et Sébastien Trudeau du distant de Canada. Du côté des Voltigeurs, André Pallard a déjoué le gardien Olivier Roy, mais c'est Marc-Olivier Vachon qui n'a pu capitaliser pour, dans le fond, égaliser le pointage à la fusillade de Drummondville. 1-0 en fusillade. Donc, les deux gardiens de but, bien sûr, sont les grandes vedettes du match, surtout Olivier Roy. On en parlait plus tôt, justement, du tir d'Acadie Batteuse. 32 arrêts dans la victoire et 3 arrêts là, pendant la fusillade en plus. Donc, une grosse victoire pour le Titan d'Acadie Batters qui s'approche tranquillement pas vite du premier rang de la Ligue des Voltigeurs de Drummondville et des Remparts de Québec. Donc, et voilà, c'est une quatrième défaite de suite pour les Voltigeurs de Drummondville. Eux qui avaient bien commencé. Qui étaient partis ses chapeaux de roue à cette heure, non, ouais. Hein, ça a changé pas mal. Et rapidement, là, c'est du tout au tout. C'est de leur côté? Ouais, c'est ça, carrément. Et dimanche, on essayait de se reprendre face au Saguenay-Chicoutimi. Ça a mieux été, là, cette fois-ci, pour les Voltigeurs de Drummondville. Une victoire de 3-1. André Pallard, Julien Tremblay et Trent Samuel Thomas ont été les buteurs du côté des Voltigeurs de Drummondville. Robin Gus aussi, le gardien de but des Saguenayens, qui a très bien fait. 31 arrêts sur 34 tirs. Donc, ça a été du côté des Voltigeurs ce soir de Val-d'Or. Et dimanche, ce sera les Olympiques de Gatineau qui se rendront du côté du centre Marcel Dionne. Comme on en a parlé plus tôt, les Voltigeurs de Drummondville sont premiers de la Ligue en ce moment avec une fiche de 9 victoires, 2 défaites. Défense, un total de 20 points. Alors, défense, 2 défaites serrées dans leurs 4 dernières défaites. Ça, c'est certain. Mais encore là, ils sont premiers de la Ligue, mais ils ont quand même 3 matchs de jouer de plus que les Remparts. Donc, ça devrait peut-être changer dans la fin de semaine là, si jamais les Remparts emportent leurs 2 matchs. Charles Couturier est le premier marqueur de l'équipe. 6 passes, 14 points. Ça, je pense qu'il n'y a aucune surprise de ce côté-là. On s'attendait un peu à ça du côté de M. Couturier, malgré qu'on s'attendait peut-être aussi de le voir premier marqueur de la Ligue. Et pour l'instant, il trône dans les 20 premiers. Donc, mais M. Couturier aussi qui a... qui dans le fond, je dis pas parce qu'il y a 14 points qu'on ne le verra pas, ça peut changer. Ah non, d'ici, ça, on l'a dit, l'année est jeune. C'est ça, l'année est jeune. Il a seulement 17 ans là, quand même, il n'y a pas encore 18. En tout cas, il reste quand même un joueur jeune, on va y laisser le temps dans la saison. Oui, maintenant, on va parler des Tigres de Victoriaville rapidement. Vendredi, défaite de 7-2 contre les Maniacs de Ole Woolston. Ça n'a pas été facile pour nos Tigres de Victoriaville. Olivier Dame-Malka a été la grande vedette du match. 2 buts, 1 passe du côté des Maniacs. David Onzik, le deuxième gardien des Tigres de Victoriaville, était d'office pour ce match. A été remplacé par Antonio Mastropietro après les 5 premiers buts des Maniacs. Et ça a été un match très, très robuste aussi. En troisième période, on a pu compter un total de 15 punitions dans la partie, dont une bataille. Donc, une fois que la partie était comme terminée, je pense que on a commencé à jouer du coude un peu. Là, c'est quand même 2 équipes de la même division. Donc, ça a été très, très robuste là, comme troisième période. Dimanche, ils se sont bien repris face aux Maniacs. Ils ont emporté 4-2. Yanni Gourde et Funkael DeVos ont chacun respecté. Ça a bien été de ce côté-là. 4-2 victoire des Tigres de Victoriaville. Et mardi, on recevait la visite des pauvres skis de Rouyn-Noranda qui cette année en arrache beaucoup après avoir connu une très belle saison l'an dernier. Finalement, on a pu se rendre plus loin en série éliminatoire avec la perte de Cormier. Finalement, ça coûte cher. On le voit cette année. Ça sera pas facile du côté des skis de Rouyn-Noranda. Ont été défaits justement par les Tigres de Victoriaville 7-1. Donc, ça n'a pas bien été de ce côté-là. Philippe Maillet, 2 buts, 2 passes dans la victoire du côté des Tigres. Et Philippe-Michael DeVos, qui est d'ailleurs le premier marqueur de la Ligue, a eu 1 but, 2 passes dans la victoire. Donc, premier marqueur de la Ligue, Philippe-Michael DeVos, 20 passes jusqu'ici depuis le début de la saison, un total de 26 points. C'est lui qui vient de dépasser Jonathan Audi-Marchessault là au classement des meilleurs marqueurs. Audi-Marchessault qui était la semaine dernière le premier marqueur et a été dépassé par DeVos. Donc, les Tigres de Victoriaville, 4e dans la section TELUS S, 6 victoires, 5 défaites et une défaite en fusillade, un total de 13 points. C'est très serré dans la section, ils sont seulement 1 point derrière le Maniacs et l'Océanique de Rimouski. Donc, rien n'est encore joué, on sait. Et ce soir, dans le fond, les Tigres de Victoriaville sont du côté de Moncton. Ils vont avoir une grosse fin de semaine dans les Maritimes. Affrontent Moncton ce soir et du Prince-Édouard samedi et Saint-John dimanche. Donc, 3 matchs en 3 soirs pour les Tigres de Victoriaville. Avec un beau voyage d'autobus. Vive le junior. Voilà. Hockey junior majeur qui cette année essaie vraiment de condenser le plus souvent possible les matchs la fin de semaine justement pour donner plus de temps aux études pour les joueurs, mais des fois ça fait des grosses fins de semaine. 3 matchs en 3 soirs là, surtout dans les matchs. Je veux bien là, compenser pour donner plus d'études là, mais t'es 2 jours avant à pas étudier puis t'es 2 jours après à pas étudier. Ça donne absolument rien. C'est sûr. Ensuite de ça, on va parler des étoiles de la semaine. Première étoile de la semaine, Olivier Roy, le gardien de but du Standard Acadie Batters. 2 victoires cette semaine, dont 1 jeu blanc face au Val-d'Isère de Drummondville. On en a parlé plus tôt du match. Deuxième étoile, Evan Mosher, le gardien de but du Rocket de l'île du Prince-Édouard. 2 victoires respectivement, une de 27 tirs et de 31 tirs. Donc Mosher qui a très très bien fait dans ses parties. Et la troisième étoile, Nathan Beaulieu, le défenseur des Sea Dogs de Saint-Jean, qui a eu 3 points en 2 matchs avec un excellent différentiel de +5. Donc, c'est ce qui conclut les nouvelles de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Ben, je te remercie beaucoup, Pierre-Luc. On passe à une pause au retour. On parle soccer avec Philippe Doucet. Vous écoutez l'inconduite de partie sur C'est fou. C'est fou, ça. Ça me donne le goût de danser, hein? Oh, c'est tellement de musique entraînante. La rivière, le 16e. Oh, attention! Oh, oui. Oh. Birdie! Incroyable! Renversant superbe! 5e consécutif. 1/7e pour l'équipe. Incroyable. Le conduit de partie. Viens pas. Je J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton pis t'éprimer ma palette. En arrivant de l'ouvrage, prends mon stock dans le garage. Je mets ma poche dans le truck avec une caisse de poc. J'en vais du chemin de Thomas en direction de l'aréna. On se prend deux grands cafés au Tim Hortons d'à côté. On arrive à Gilles Tremblay, un aréna de quartier. On sort nos sacs du coffre, on est deux pieds dans ce slot. J'en rentre à l'intérieur, tout vers la chambre des joueurs. Mon chandail est accroché, ça sent l'espoir à plein nez. Je mets mes chandières, j'attache mes jarretières. Je vérifie que ma coquille est bien dans mon jackstrap. Je me mets devant un choc qui bloque une poc. C'est pas mal plate quand t'as pas de cop. Je me tripe les poignets, je rentre dans mon gilet. Je me garoche au d'avant. Je suis prêt à mettre mon casque. La game au bout avant tout et sa classe. La game d'Aspoise pour la première place. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton qui tépit ma palette. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton qui tépit ma palette. L'hockey c'est un sport d'équipe, je mets mon support athlétique. Il fait très temps, Colin, j'en fais le mécombine. Parce que j'ai plus 20 ans, je fais une coupe d'étirement. Après avoir mis mes culottes, je fais un petit tour à pro shop, je fixe mes bretelles. Comme le ferait Jean Ratel, je sors mes vieilles épaulettes. À ce point je joue à l'aile droite, on entend pas Zamboni. Il reste 3 tours et demi, au lieu chiquer du tabac. Je mange la gomme bazooka, je mets mes champières. J'attache mes jarretières, je vérifie que ma coquille est bien dans mon jackstrap. Se mettre devant un choc qui bloque une poc. C'est pas mal plate quand t'as pas de cop. Je me tripe les poignets, je rampe dans mon gilet. Je me dérange au d'affaire. Je suis prêt à mettre mon casque, craquer au bout avant tout et sa glace. La game d'Aspoise pour la première place. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton qui tépit ma palette. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton qui tépit ma palette. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton pis taper ma palette. J'espère que mes patins sont aiguisés. J'espère que mes lacets sont pas trop maganés. J'espère de trouver au fond de ma poche une roulette, de pouvoir sortir mon bâton pis taper ma palette. Et c'était Bob Bissonnette avec la chanson Mettre du tape sur ma palette. C'est assez dans le thème, hein? C'est assez dans le thème de l'émission au complet, je dirais. Hein? Oui, c'est une toune très entraînante en cet automne, plate à mort, à souhaiter que la glace pogne au plus sacrant pour pouvoir, évidemment, jouer au hockey mais écoute, à l'extérieur. Je regarde l'album, la pochette, et c'est vraiment sous le thème du hockey. Ah oui. Il est habillé. Il est habillé avec son stock de hockey, sa guitare sur la pochette. L'album s'appelle Recrue de l'année. Il y a un patin à l'arrière. Puis le style de la pochette a l'air d'une vieille Upper Deck des années 60. On peut même y lire. On considère que Bob est le meilleur espoir professionnel depuis Guy Lafleur. Scotty Bowman l'a dit. Bob is the next big thing. Et Bob a au-dessus de 1000 feux de camp à son actif. Et on y va maintenant, on va parler foot. Ben oui, on parle foot. Cette semaine dans la Barclays League, aucun match. La semaine dernière, la semaine qui vient de terminer, même chose dans toutes les ligues majeures. On faisait relâche pour les qualifs de l'Euro. Ah, OK, je comprends. Toutefois, il y a plusieurs matchs importants à surveiller ce week-end. Entre autres, samedi 16 octobre, Arsenal et Birmingham. Arsenal qui devrait se défendre sans son capitaine Fabregas, toujours incommodé par un claquage. Arsène Wenger, l'entraîneur, devrait toutefois pouvoir compter sur André Archavin pour mener les Gunners à une victoire contre les Blues, qui évolueront, eux, sans l'Écossais James McFadden, également blessé. Fulham contre Tottenham. L'attaquant de Tottenham, Raphaël van der Vaart, pourrait bien faire la différence dans le match, alors que Fulham tentera de ne pas se faire larguer dans les derniers rangs de la Ligue dans ce match qui pourrait avoir une incidence sur le classement de Manchester United. En effet, Manchester United qui affronte West Brom, advenant de défaite de Man U, combinée à des victoires d'Arsenal et de Tottenham, le mieux que peut espérer Man U serait une 7e position au classement. Situation qu'ils vont tenter d'éviter lors de cet affrontement à Old Trafford. Difficile mission puisque le milieu de terrain Owen Hargreaves et l'attaquant vedette Wayne Rooney sont toujours sur la liste des blessés. Hargreaves, c'est un Canadien. C'est une excellente question, je crois que oui. Mais c'est un Canadien, mais que, écoute, si c'est l'histoire qu'on m'a toujours, que, si c'est ce que je pense, un Canadien, mais il s'était fait refuser pour l'équipe canadienne, mettons, des moins de 21 ans, a décidé d'aller en Angleterre, ses parents étant de descendance. Effectivement, Owen Hargreaves. Né le 20 janvier 81 à Calgary. Alors, pas assez fort pour jouer pour Team Canada, non. Mais évolue pour Manchester United. Oui. Mais c'est pas la première fois qu'on a des faiblesses comme ça au niveau sportif au Canada, au Québec. On a la misère avec l'évaluation de nos joueurs des fois. Ah ben oui. Mais tu sais, c'est surtout... C'est pas comme au hockey où t'as du choix. Tu sais, genre, si je me trompe, un par rapport à l'autre... Il va en sortir un autre. Au soccer, on en sort moins souvent. Il n'y a pas un Canadien là, qu'on peut dire qu'il joue à ce niveau-là, un ou deux ben, de plus. Oui, à peu près. Puis en fait, on peut pratiquement pas compter Hargreaves comme étant Canadien. Ben il est né, mais il a été naturalisé, évidemment, depuis longtemps. Exactement. Anglais. Manchester United contre West Brom, c'est le match qui sera présenté à RDS dès 10h demain matin. Aston Villa contre Chelsea. Du côté de Chelsea, c'est le capitaine John Terry qui s'est entraîné avec l'équipe, mais on ne sait toujours pas s'il pourra s'aligner avec le 11 partant face à Aston Villa. Aston Villa qui tentera de répéter leur exploit de l'an dernier alors qu'ils avaient surpris Chelsea 2-1. Dimanche 17 octobre, Everton affronte Liverpool. La première chip a donné son accord pour la vente de Liverpool. Toutefois, les propriétaires George Gillett et Tom Hicks jugent que l'offre de 490,2 millions $ n'est pas suffisante. Rappelons que l'acheteur potentiel, c'est la New England Sports Venture, qui sont également propriétaires des Red Sox de Boston. Les deux équipes croupissant au fond du baril en ce début de saison, il s'agit donc d'un match à ne pas regarder un dimanche après-midi. Ensuite, Blackpool contre Manchester City. Les surprenants Citizens de Manchester City pourraient se rapprocher de Chelsea grâce à cet affrontement que plusieurs croient gagner d'avance. Il faut cependant pas compter Blackpool comme vaincu, car advenant la victoire, ces derniers se rapprocheraient à un point seulement de Manchester City, donc match important pour Blackpool. En ce qui concerne la Ligue des champions, ben même chose que les autres ligues majeures, il n'y avait pas de match à l'affiche la semaine dernière. Mais cependant, mardi 19 octobre, à RDS sera présenté l'affrontement entre le Real Madrid et l'AC Milan. Un match qui devrait être fort en émotion, oui, car la tête du groupe G est en jeu. C'est deux belles puissances, deux de mes équipes favorites. Je vais clairement être devant la télévision pour écouter ça. C'est évidemment le match qui attirera le plus d'attention cette semaine. Je vous reviendrai avec les détails des autres matchs la semaine prochaine, entre autres des affrontements opposant le Spartak de Moscou à Chelsea, l'OM à Žilina, l'Inter Milan à Tottenham, Lyon à Benfica, Man U à Bursaspor, Barcelone qui affronte Copenhague et Panathinaikos qui affronte Rubin. Je me demandais quand t'allais dire ça. Eh oui, je le gardais pour la fin. Côté de l'Impact. Oui. L'Impact qui affrontait hier les Railhawks de la Caroline après avoir défait les Aztecs d'Austin en quart de finale facilement par un cumulatif de 5-2. Hier, le match décisif de la série, le match d'hier, l'Impact a remporté le match d'hier 1-0, un but de Di Lorenzo. Le match décisif de la série aller-retour au total des buts sera disputé dimanche à Cary en Caroline du Nord. Du côté de l'entraîneur, Mark Dos Santos a déclaré « Nous savions que rien n'allait jouer aujourd'hui, en fait hier, mais c'est un pas de plus vers la finale. Le résultat de ce soir est juste contre une très bonne équipe qui a été bien organisée. Nous avons fait preuve de beaucoup de caractère. L'Impact qui a inscrit le seul but de la rencontre à la 35e minute, c'est Leonardo Di Lorenzo qui a marqué sur un coup franc au ras du sol qui est passé tout juste à la droite du mur des Railhawks. Suite à une faute à l'endroit du milieu de terrain, Anthony Legal sur la ligne des 18 mètres. La ligne des 18 mètres, c'est la surface de réparation. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, vraiment, vraiment très, très, très, très bien placé pour un coup franc qui s'est concrétisé en but. Donc, 1-0. On parlait d'un bon pas du côté de l'Impact de fait dans la bonne direction. Cependant, pour les Railhawks, c'est pas un mauvais résultat non plus. 1-0 à l'étranger, quand tu vas terminer les matchs aller-retour à domicile, c'est une bonne quand même un bon résultat pour la Caroline. C'est pas une situation désespérée dans ce cas-ci. Absolument pas. Contrairement à exemple contre les Aztecs d'Austin où l'Impact avait marqué 2-0 et là il fallait qu'Austin batte l'Impact par 3 buts. Là ça devient plus difficile, mais là la Caroline qui a simplement besoin d'une victoire par 2 buts, beaucoup plus accessible. Mais l'Impact qui est toujours très, très, très solide en défensive. Peut toujours essayer de jouer la nulle, là, vraiment. Oui, aussi, à la limite, oui, on peut. L'Impact, ouais, comme je disais, très solide en défensive. Il a accordé 2 buts dans le dernier match contre Austin. Mais à part ce match-là, on marque rarement plus d'un but contre l'Impact. Ce qui fait la joie de l'entraîneur Marc Dos Santos. Parlait de qualif de l'Euro. Oui. Donc, en rafale, les matchs qui ont lieu le 12 octobre dernier, le Portugal qui bat l'Islande 3-1, l'Angleterre qui, je devrais dire, s'écroule face au Monténégro dans un match nul de 0-0. Eh non, pas encore. Eh oui, l'Angleterre. C'est une continuité de leur côté, là. Oui, c'est drôle. Ben, c'est drôle. En fait, non, c'est pas du tout drôle, là, parce que c'est quand même triste de voir que l'Angleterre a autant de difficultés. Mais ça, il commence, on dirait, à prendre un peu la pente descendante que la France prenait il y a quelques années. Et là, on se retrouve sensiblement dans la même situation. On se rappelle que l'Angleterre a manqué l'Euro en 2008. Faudrait vraiment pas que ça se reproduise. Ça pourrait avoir des conséquences majeures pour entre autres, la Barclays League. À la défense de la France, au moins, on avait gagné quelque chose. Oui. Tu sais, on était quoi? Ouais, la France qui avait gagné en 2000 l'Euro, 98 la Coupe du Monde. Et on avait une finale de la Coupe du Monde en 2006. Oui. Contre l'Italie. Contre l'Italie, le fameux match Zidane-Maserati. Mais, Que j'ai regardé au parc Jean Drapeau, entouré de Français et d'Italiens. C'était magnifique. Pas eu de bataille? Ouais. Non, je suis parti avant. Je suis parti avant. Avec les hooligans. Oui, on va en parler tantôt des hooligans. Mais pour l'instant, je vais continuer le score. La France, justement, qui a battu le Luxembourg 2-0. Donc, tranquillement, pas vite, la France qui remonte le chemin vers la victoire. C'est sûr que bon, le Luxembourg, c'est peut-être pas une puissance non plus à affronter là, qui était vraiment dangereuse, mais quand même, ça fait du bien pour le moral. L'Espagne qui peine contre l'Écosse 3-2. Quand même, on aurait pu s'attendre à une plus grande victoire du côté de l'Espagne. L'Écosse qui n'est pas une puissance au soccer, vraiment pas. Qui produit quand même à quelques reprises certains joueurs, entre autres un joueur dont le nom m'échappe là, qui évolue avec une équipe anglaise, mais malheureusement son nom m'échappe, donc je vous reviendrai avec ça un peu plus tard. L'Autriche fait match nul 4-4 contre la Belgique dans un match où les gardiens étaient assis dans les gradins. La Grèce bat l'Israël 2-1, les Pays-Bas battent la Suède 4-1, la Moldavie bat Saint-Marin 2-0, deux pays dont j'ignore totalement la position géographique. Saint-Marin, c'est en Italie. C'est une principauté ou quelque chose comme ça. Le Grand Prix de Saint-Marin à Imola, à l'époque en Formule 1. Oui, oui, oui. Bon, Tamborello, Ayrton Senna qui s'était tué. Oui. Donc, c'est un peu comme Monaco. C'est un type de Monaco, okay. Mais pour l'Italie et non pas Monaco, qui est plus pour la France, on pourrait dire. Oui, un peu, oui. Faudrait pas dire ça au Monégasque, par exemple, qui nous en voudrait. C'est pas important. La Slovénie qui bat l'Estonie 1-0. La Russie qui bat je vous reviendrai avec ça aussi tantôt. 1-0. Ensuite, la Slovaquie qui fait match nul 1-1 contre l'Irlande. La Suisse qui bat les Pays de Galles 4-1. Le Danemark 2-0 contre la Chypre. République tchèque 2-0 contre le Liechtenstein. Ensuite, Bélarus 2-0 contre l'Albanie. L'Allemagne bat le Kazakhstan 3-0. La Géorgie fait match nul 1-1 contre Latvia. Et la Finlande s'écroule 2-1 contre l'Hongrie. L'Arménie bat Andorra 4-0. Azerbaïdjan bat la Turquie 1-0. Et les îles Faroé font match nul 1-1 contre Irlande du Nord. Le match qui retient l'attention, c'est les affrontements violents qui ont eu lieu en fait lors du match entre Italie et Serbie. Oui. Affrontement en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de match qui s'est arrêté à la 7e minute, mais affrontement entre les hooligans serbes et les policiers italiens. À ce chapitre, la police détient 17 personnes, dont le leader présumé de l'émeute qui a éclaté lors du match Italie-Serbie, avec comme trame de fond l'UEFA qui menace la Serbie que les sanctions pourraient aller jusqu'à une disqualification des compétitions à venir. Le résultat officiel du match qui a été arrêté après 7 minutes, c'est une défaite de la Serbie par 3-0. Ouais, on déclarait un forfait. C'est un peu choquant pour les joueurs serbes qui, en fait, ne sont pas du tout impliqués dans l'altercation, mais qui doivent s'incliner. On disait qu'on manifestait du côté des Serbes à cause d'un... On n'était pas d'accord avec l'utilisation de tel gardien par rapport à un autre. Ouais, ben en fait, je vais te lire un peu la nouvelle. On va voir que finalement, c'est parce peut-être plus une... pas là, c'est ça? Non, ben c'est okay. Ça, j'étais un peu absent. Je n'étais pas à Gênes ce week-end. Mais je vais te lire la nouvelle. On voit que vers la fin, c'est peut-être plus une excuse donnée un peu bidon. Tu vas voir, le match de qualification de l'Euro 2012 à Gênes a été stoppé après 7 minutes quand des supporters serbes ont lancé des boîtes fumigènes et des feux d'artifice sur le terrain après avoir coupé un filet de sécurité, donc rien de moins, ont brûlé un drapeau et ont brisé des barrières. De violents affrontements se sont poursuivis pendant la nuit et 16 personnes, dont 2 policiers, ont été blessées. L'UEFA a ouvert une enquête mercredi. Le comité disciplinaire entendra l'affaire le 28 octobre. L'affaire a pris une tournure politique alors que le ministre serbe des Affaires étrangères, Vuk Jeremic, a fait des excuses officielles, disant que son gouvernement n'hésitera pas à adopter des mesures musclées dans la lutte au Hooligan. Il va y avoir une commission d'enquête? Il faudrait demander à Maître Bellemare. Des officiels serbes ont dit que les supporters appartiennent au même groupe d'extrême droite qui a confronté la police à Belgrade en tentant de nuire à une parade de la fierté gay dimanche, causant des blessures à 150 personnes, dont une majorité de policiers, et causant de sérieux dommages au centre-ville. Donc comme on dirait, c'est des foutus de merde. Oui, c'est ça. Un peu à l'image de ce qui s'est passé il y a quelques années à Montréal lorsque les voitures de police ont été brûlées après l'élimination des Bruins de Boston. On parlait justement que les casseurs ne faisaient pas partie des fans, mais je suis pas mal à la lueur des événements. Il faut dire que ces hooligans-là n'étaient pas nécessairement de vrais hooligans, c'était beaucoup plutôt des casseurs, des gens qui étaient là pour manifester de la violence gratuite. Ben, c'est bon. Hey, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Mon fil. Au retour de la pause, JP Grenier nous parle de football. Vous écoutez l'inconduit de partie sur les ondes de C'est fou. Mais la nuit, j'ai décidé de t'écrire. C'est fou, ça. 89.1 sur le net au cfou.ca. Les bains me disent ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'un conduit de partie. Alors, vous êtes de retour en onde au l'inconduit de partie. Je ne sais pas pourquoi, pogné un blanc de mon émission de radio. Alors, se joint à nous, JP Grenier. Ça va bien, JP? Salut les boys, ça va bien, vous autres? Salut, JP. Ça va très bien. Good. JP, écoute, on est pressé par le temps ce matin, disons-le, mais je te laisse. Carte verte, écoute, carte blanche plutôt, carte verte, c'est... T'es mêlé, pogné dans le nom de ton émission, ou t'es mêlé dans la couleur de tes cartes? Carte verte, c'est pas comme ta carte d'immigration. C'est pas Melbourne, ça? Il y avait une jaune aussi, ouais, puis une rouge pour passer un tour. Ouais. Il y avait des lapins, des... Il y avait du vert. Puis, ouais. Écoute, on perd du temps quand on en manque de on temps. On en manque déjà, on en perd encore plus. Écoute, c'est 0-0-0 discipline. JP, parle-nous football, s'il te plaît, et arrête-nous. Ben oui, grosse semaine dans le football universitaire canadien. 3 matchs étaient à l'affiche la semaine passée. Tout d'abord, à Sherbrooke, l'Université Bishop l'a emporté facilement 40-10. Ça n'a pas été. gros duel là, par le pointage. Écoute, avec 2 minutes à faire avant la fin de la première demi, c'était 17-10 pour Bishop. Sherbrooke qui retourne un retour de beauté pour le toucher. Pénalité sur le jeu. Bishop suit finalement avec un toucher de sûreté. Donc, il rentre au vestiaire avec une avance de 19-10. Le match n'a jamais été le même pour Sherbrooke. Ce que j'ai retenu du match, James Goulet, le remplaçant de Jean-Philippe Chouinard, blessé, très nul. À ce point-là? 13-33 avec 200 verges par la pause. Avec 2 interceptions. Ça a vraiment été difficile dans son cas. Des passes souvent trop basses. Touchait le sol avant les receveurs. Donc, puis beaucoup de sacs du corps. Donc, la ligne offensive, c'est sûr, ne l'a pas aidé. Sauf que la relève à Sherbrooke regarde mal pour les années à venir. Parce que le Chouinard est 5e année, c'est sa dernière année. Oui, là, c'était son premier match en carrière universitaire. C'était pas son premier match, puisqu'il avait joué contre McGill un peu. Okay. Sauf que c'est vraiment son premier départ. OK. Sinon, Jesse Andrews, carrière des Bishops, toujours excellent. Il court beaucoup avec le ballon, ça a fait une différence pour aller chercher les gros jeux. Toujours des passes précises. Puis Bishops ont quand même des bons receveurs là, cette année. Donc ça a bien marché à ce niveau-là. 5e victoire consécutive pour les Gators. Les unités spéciales qui ont été très dominantes. Josh Mavery qui a... Il a fait des placements de au moins 45 verges à toutes les fois. Là, c'était impressionnant. Puis, écoute, les retourneurs qui ont fait, qui ont voulu sur le terrain. Donc, Bishop ne l'a pas arraché. Une belle victoire de 40-10 pour eux. Sinon, Laval. Ce qui va mal, écoute, très ça, bon match. Ça place Bishop à un endroit où ils n'ont pas été depuis longtemps. Là, deuxième rang. Deuxième rang. Bataille pour la première place avec le Rouge et Or, surprenamment. Puis, écoute. Advenant une défaite des Carabins contre les Redmonds qui risquent pas d'arriver, ben les Gators s'assurent du deuxième rang au moins là. Donc les Gators qui s'en vont jouer à Laval cette semaine, gros match important, sauf que là Laval ont gagné leurs 40 derniers matchs au Peps, donc écoute. Ben écoute. C'est ça, il n'y a rien d'autre à dire. La tâche sera pas facile. Peu importe où est-ce qu'on est au classement, c'est jamais facile contre Laval à domicile. Surtout à domicile, mais peu importe où est-ce que le match joue. Là. Exactement. Puis parlant de Laval, jouait cette semaine contre les Carabins, match télévisé à Radio-Canada. Excellent match. Laval qui ont gagné 19-12. Montréal, ils se sont vraiment pas laissés faire. Là. C'est... Non, ils menaient un certain point dans le match jusqu'à l'interception. De Nado Pieuse. Sauf que là, moi, ce que je remarque, c'est que Laval ont montré du très beau caractère. Perdait ce match-là, on savait que la pression était sur eux, vu que c'est la grosse équipe, jouait à l'étranger. Donc, ils perdaient comme quelque chose comme 12-7, si je me souviens bien. Puis là, c'est ça, on a une interception importante. Les hommes de Glenn Constantin ont marqué le toucher sur la séquence suivante. Donc, ça a relancé l'équipe, puis ils ont jamais arrêté. Alex Nadeau-Pieuse, comme je le disais, là, malgré son interception, très bon match, tire ses jambes, tire son bras avec à point, donc j'ai vraiment aimé son jeu. Puis Concordia qui l'emporte sans surprise contre McGill, 21-11, écoute, McGill qui s'en va sur une saison de 0-9. Par contre, ils ont montré une très bonne défensive, là, ça j'ai rien à leur reprocher, là, seulement 150 verges au total pour les Stingers, là, que ça paraît là, que Robert McKay est pas là cette année. Il est là cette année, mais il est juste simplement blessé. Ouais, ouais, ouais. Écoute, quand ton carrière fait plus de verges au sol que tes porteurs de ballon avec 49, ton offensive est pas bien huilée selon moi. Pas à point, là. Exactement. Les Redmonds qui ont commis quand même beaucoup d'erreurs, qui ont fait perdre le match parce qu'ils menaient jusqu'à un certain point. Trois interceptions pour le remplaçant de Jonathan Collin, puis trois échappées pour le porteur de ballon. Donc, ça va peut-être être des petites choses qu'il faudra régler si on veut pas finir une saison de 0-9. Ce qui va arriver selon moi, là, les Redmonds qui affrontent les Carabins cette semaine. Écoute, on envisage peut-être une saison perdante, sauf que faut se relever de ça. Là. Regarde, les Redmen ont beaucoup de blessés, dont leur joueur le plus important, ce qui aide pas. Donc, une mauvaise saison, c'est à oublier. Sinon, les Stingers pourraient consolider leur place en civilisatoire avec une victoire contre Sherbrooke. Ça regarde bien mal. Là, c'est un match, on parle de match de 4 points. Là. C'est un match, Sherbrooke peut pas perdre ça, là. Écoute, je sais pas la situation de Chouari. Cette semaine, à l'entraînement, elle avait encore l'air de boiter. Écoute, c'est ses derniers matchs en carrière. Moi, je pense que André Bolduc va l'envoyer quand même. Là. C'est pas de toute façon, c'est pas le carrière qui court le plus. C'est pas ça pas tout de la stratégie de Sherbrooke. Donc, je pense qu'on va le voir à son poste. Surtout s'il est questionnable. Là. C'est pas... Déjà, on se demandait s'il allait jouer le match de la semaine passée. Écoute, c'est correct qu'il ait pris une semaine off, sauf que là, faut vraiment que l'attaque se réveille. Puis avec James Goulet, manque carrément d'expérience. Là, ça a pas marché. Les Stingers, ils ont pas de mauvaise équipe quand même, malgré leur mauvaise fiche. Là. Donc, bon, mauvaise fiche, joue pour 500, c'est capable de beaucoup mieux. Les matchs à l'avenir cette semaine, Montréal à McGill, Concordia à Sherbrooke et Bishop à Laval. Donc, Bishop, on l'a dit, son dos au deuxième rang. Oui, match de la semaine, hein, c'est match Bishop de la semaine, Laval. C'est ça. Match de l'année, à date, là. Oui, dans ce avec ce qui arrive, moi, je serais prêt à dire ça, ouais. Qui bon l'aurait match. Dit en début de saison, par exemple? Ouais, écoute, il n'y a personne qui pouvait dire que Gators allait se rendre là. Malgré les changements qu'ils ont apportés au personnel entraîneur, malgré l'émergence des vétérans, non, il n'y a personne qui pouvait les mettre là. Vraiment, là, par contre, Bishop ont encore deux matchs importants pour terminer l'année. Ils vont affronter les Carabins la veille de l'Halloween. Donc, c'est pas une fin de saison facile pour les Gators. Puis, ils vont encore affronter Sherbrooke, qui vont vouloir avoir une revanche. Là, en plus, c'est à Knoxville, chez eux. Donc, écoute, peut-être un petit avantage de ce côté-là. Puis Montréal, qui sont au troisième rang, je pense que dans leur cas, c'est les séries assurées. Là, c'est un automatique. Donc, l'Ontario qui n'aura pas le choix de se réveiller là, s'ils veulent faire de quoi. Écoute, avec une fiche de 2-4, tout est encore possible, sauf que ça va être très mal. Ça regarde mal, exactement. Donc, veux-tu qu'on fasse le football américain? Oui, si. Vas-y tout de suite avec le football américain. Moyenne surprise, Alabama is no more. Exactement, l'Université de la Caroline du Sud qui remporte leur duel. On s'attendait à une victoire des Tides d'Alabama, sauf que, écoute, comme à chaque année, des surprises. Puis Alabama, qui était premier au classement, là, chute, tombe au 8e rang. On avait également un excellent match, le Michigan contre Michigan State, comme on l'avait dit la semaine passée. Michigan State qui l'ont emporté, là, mais quand même assez facilement. Kirk Cousins, le carrière, excellent. Moi, cette équipe-là me surprend toutes les semaines. Oui, en effet. Ils sont vraiment le fun d'avoir joué. Bon chance, enfin, de Michigan State. C'est les années de vache maigre, là, un peu, là, qui viennent de prendre de bord. Exactement, contrairement au basket, où qu'on est là chaque année. Ouais. Au football, vraiment, là, un beau programme cette année. J'aimerais ça qu'ils se rendent encore plus loin. Sinon, Ohio State ont gagné leur match assez facilement, là, ce qui les fait grimper au premier rang du classement général, qui devient Ohio State, Oregon, Boise State, Texas Christian, puis Nebraska. Oregon, ils se ramassent ça pour la première fois, je pense, dans l'histoire du programme, au deuxième rang. C'est assez surprenant, donc ça va être le fun à voir de ce côté-là. Peut-être un rematch du Rose Bowl. Oui. De l'an passé, qui était Ohio State contre Oregon. Là, on aurait une revanche peut-être d'Oregon en finale loin, là. Oui, c'est encore bien loin. Du côté de Boise State, on espère une défaite d'une des deux équipes d'ici la fin de l'année, ce qui relativement garantirait une première place. Pas de première place, mais une place au championnat national pour Boise State. Je dis bien relativement parce que ça dépend tout avec le BCS. De plus en plus, écoute, Oklahoma commence à remonter. On est toujours parfait. Excellente équipe, des victoires convaincantes. Oui, tout comme Auburn. Qui d'autre qui est parfait? Auburn, Nebraska et TCU qui sont encore sans défaite. Même chose pour Nebraska. Là, oui. C'est la première fois comme en 15 ans qu'ils se retrouvent dans le top 5. Oui, Nebraska, les Cornhuskers qui... dans les années 80, on connaît, écoute, c'était l'équipe. Ouais. C'était les. On parlait pour certains de la meilleure équipe de tous les temps. Vraiment, là, c'est des années de vache maigre. On en a eu beaucoup du côté de Nebraska dans les dernières années. Ça semble être revenu. C'est sûr que la saison, il reste encore plusieurs matchs. Là. On parle de 5 à 6 matchs selon les équipes. Comment tu vois ça, toi, JP, la fin de saison? T'as-tu une prédiction ou c'est encore trop tôt pour dire? C'est encore trop tôt pour dire. Regarde, Alabama, on y allait pour le championnat national. On perd cette semaine. Ça change beaucoup de données. Donc, au collège américain, c'est une défaite, c'est fini. Tu peux pas prédire vraiment la saison, à part quand les équipes, comme, mettons, Ohio State, en fin de saison, rencontrent des plus petites équipes. Il y a surtout les championnats de division. Ouais. À la fin, qui sont toujours très importants, là, surtout à chaque année, ça se joue là, des derniers matchs, pour savoir qui va accéder au championnat national. Donc, non, je pense que c'est encore trop tôt. On va se donner encore 3-4 semaines. Tu n'en as pas parlé, JP, mais Florida State qui est venu défaire Miami. Écoute, ouais, un bon match. Très bon match. Christian Ponder, on l'attendait depuis le début de la saison, a livré vraiment une bonne performance. Miami qui joue en plus devant leurs partisans se sont écroulés. Je m'ennuie un peu du Orange Bowl. Miami qui joue maintenant au stade des Dolphins. Ça a plus la même saveur, on dirait, là. Ouais, mais il disait que c'était la première fois que c'était plein Attends, c'est rendu quoi? Sun Life Stadium? Ouais. Pro Player, Sun Life, Shark, Land, Shark. Non, ouais, c'est ça, le Sun Life Stadium. Donc, première fois, c'était plein. On s'entend que le stade est pas mal plus loin de l'université. Sur le Turnpike, comme on dit aux États-Unis, là, dans la sortie d'autoroute. C'est la mode, hein, aux États-Unis, de faire les stades dans le Turnpike, qu'il appelle, là, qui est un échangeur, là, c'est ça. Au coin de deux autoroutes, donc à Miami, mais qui c'est pas tout le temps les... Football, c'est un peu moins pire, mais un arena dans ces places-là, oublie ça, là, ça marche juste pas. Même chose pour le baseball. Mais c'est les places facilement accessibles qui a encore de l'espace pour construire. Donc, on en sort là-dessus. Sûr que ça fait quand même plusieurs années que le stade est construit en Floride. Année 80, ça, à peu près? À peu près. Il est pas désuet. C'est un des stades les plus occupés là, toutes les années. Beaucoup d'événements comme les Super Bowls, les championnats nationaux... au collège américain, donc il y a même déjà eu de la boxe, là, je pense. Là, donc, un stade qui sert vraiment, sauf qu'il est peut-être mal placé. Là, finalement, une petite nouvelle intéressante. Il y avait eu gros de la controverse pour la mascotte d'Ole Miss, qui était en fait un vieux rebelle, là, un sudiste. Donc, on avait le programme qui veut changer de visage complètement. On avait enlevé le drapeau sudiste. On avait par la suite enlevé la mascotte. Là, il y avait eu un vote auprès des étudiants pour une nouvelle mascotte. Fait intéressant et drôle, selon moi. ESPN avait fait une campagne depuis quelques mois pour promotionner la mascotte. Je sais pas si vous regardiez Star Wars, là, mais le gros amiral Akbar, c'est un genre d'extraterrestre qui ressemble à un crapaud. Les étudiants voulaient que ce soit leur mascotte officielle. Finalement. C'est jamais bon. Star avec Internet, là. C'est jamais bon. Je pense à la mascotte des Spirits de Saginaw qui s'appelle... il y a l'animateur d'émission de fin de soirée, Stephen Colbert, aux États-Unis, qui est un satiriste un peu, qui imite les talk shows de droite. Et la mascotte a le nom de Stephen Colbert directement à son nom, donc avec un jeu de mots avec un oiseau, là. Écoute, j'essaie de trouver le nom rapidement. Ben, Steagle Co-Beagle, le nom de la mascotte. Donc, bien sûr, c'est le logo des Spirits, c'est ça. Donc, jamais une bonne idée d'avoir des concours sur Internet maintenant. C'est tellement facile de prendre le contrôle de tout ça et créer un mouvement de masse. Alors, tu te retrouves avec une mauvaise mascotte. Oui, mais quand même, une mascotte en forme de Miral Akbar, ça a son charme, là, le genre de gros poisson moustachu. Oui, mais... Regarde, Youpi, là, en partant, là. Non, attends, là, Youpi, c'est excellent. On l'aime, Youpi. Youpi, ça a le rapport avec un des joueurs de l'équipe, là. Ouais, le gros orange, là. Mais tu sais, je veux dire, Youpi, t'es pas super beau, on s'entend, là. Je veux dire... J'emmène pas Youpi comme date, ok? On s'entend? Si j'ai choisi dans des mascottes. T'as déjà daté avec une mascotte? Ben oui, ils sont super sympathiques. Mais, celle qui parle. Ça devait être socialement. J'essayais de la regarder dans les yeux, j'étais pas grave, je regardais tout le temps la bouche, tu sais. Je trouvais que la voix, puis les. Tu sais, mais. mais non, mais en tout cas, c'est pas la plus belle mascotte. Mais en tout cas, écoute, je te laisse finir ton film. Finalement, ça va être un petit ours brun, là, tout cute, donc. Qui a remporté 62% le vote final, donc ça va être la nouvelle mascotte des Rebels. Sinon, les gros matchs à surveiller, Californie contre USC, t'as Iowa contre Michigan qui vont tenter de se relever de leur défaite contre State, t'as Texas contre Nebraska, grosse game défensive, puis t'as Ohio State contre Wisconsin, la grosse bataille là, du Big Ten cette année, donc... C'est complète le football universitaire. Hey, en terminant rapidement, JP, baseball, là, on a une minute là, à peu près. Là. Ça commence ce soir, Yankees contre Rangers du Texas, Vladimir. Écoute, les Rangers du Texas là, sont vraiment là, sont solides. Grosse attaque, Cliff Lee qui fait des miracles sur le monde de film. Écoute, depuis le début des séries, c'est vraiment une histoire de lanceur ou d'erreur en défensive, là. Les Giants, Lincecum qui a quasiment voulu imiter Holiday. Ben là, ils s'affrontent demain, les deux. Quel duel. Dans les dernières années, c'est le plus gros affrontement de l'enfer, je pense, en série d'après-saison. Les Giants sont surprenants. Bonne attaque mixée avec la vitesse. Sinon, les Yankees, ben, comment tu peux pas les mettre favoris, là, tellement une équipe dominante. Ouais. Même si on les aime pas, tout connaisseur est obligé de reconnaître que c'est toute une machine de baseball. Tech Sherrod qui fait des petits bijoux en attaque. Donc, Écoute, je veux tes prédictions rapidement. Là, il reste une minute, même pas. Yankees Phillies, pourquoi pas encore une fois en finale de série mondiale. Ce serait excitant. D'après moi, les deux meilleures équipes dans le baseball majeur. Deux gros marchés télévisés. Donc, j'ai bien hâte d'avoir ça. Écoute, je suis obligé de te donner raison là-dessus. C'est ma prédiction et c'est exactement la prédiction de Phil à le voir rusher la tête. Donc, ça commence ce soir. Eh bien, merci beaucoup, JP, d'avoir été avec nous. All right, pas de problème. C'est bon, bonne journée. Salut, JP. Alors, écoute, c'est ce qui conclut l'émission. On voulait parler de plein d'autres affaires. On n'aura pas eu le temps. Écoute, semaine prochaine. Semaine prochaine, on parlera de boxe. Il y a le combat d'asseoir, Lucien Boutet contre Jesse Brinkley. Ben écoute, c'est ça. Donc, manquez pas ça, le combat ce soir. Quoi, télépayante, j'imagine? Oui. Télépayante, Jesse Brinkley. À mon avis, ça devrait se terminer rapidement du côté de Boutet. Facile. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. On se laisse en musique. Écoute, on va se laisser en musique avec le groupe Les Frères Goyette avec la chanson La balle est dans ton camp. On parlait de baseball, La balle est dans ton camp. Pour JP Grenier, Jonathan Bernier, Pierre-Luc Giroux, Philippe Doucet, je suis Nicolas Ducharme. Bonne semaine tout le monde.